Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Le plan de cette semaine à Assemblage requis. Tania nous fera entendre des aigus et des graves dans Tania's Gonna Entertainia et on goûtera de nouvelles saveurs sucrées ou piquantes dans une grosse pointe tendresse. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis pour la semaine du 20 juin 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On t'en dirait des studios de Cifou à Trois-Rivières. C'est sur notre chanson thème de Valès pariétaire remaniée par les risques du plasmique qu'on débute aujourd'hui. Comment ça va, Tania? Ça va très bien. J'ai des problèmes d'écouteurs, mais tout va bien sinon. Je remarquais ça. Je vais dire une petite tape dessus. Ben, c'est ça, j'essaie de faire, mais bon, d'après moi, ça j'ai un côté d'écouteur qui fonctionne plus. C'est peut-être leur cheapesse, cheapeté, cheapitude. Ah, peut-être. Voilà. Pas que... si cheap que ça, Mathieu Plante. Non, okay? C'est ça, c'est la personne qui est cheap. D'avoir acheté des écouteurs pas chers. C'est chiant, ça. Bref. Ta semaine, Tania? Ça, c'est super bien passé. C'est mon père Pierre. Super bien passé. Ça, c'est super bien passé, honnêtement, Mathieu. Ouais, cool. À part les orages hier soir, on a quand même eu une belle semaine remplie de soleil. Fait que je pense que ça a fait du bien à tout le monde. Je pense que oui. Je suis encore en déménagement, comme je l'ai dit. Ben oui, toi, ça bouge beaucoup là, de ce côté-là. Oui, on est en peinture aujourd'hui. Je suis encore mon père qui doit encore se taper de la job parce que je suis à l'animation tout l'après-midi. On le remercie. Oui, je le remercie énormément. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ben oui, tu l'as dit, les éclairs hier, ça faisait peur. Hey, ça faisait peur, tu dis? Ça faisait peur. Dans mon coin, il y a des transformateurs qui explosaient, tout simplement. Transformers, more than meets the eye. C'était fou comme ça. Absolument. Bref, aujourd'hui à l'émission, on n'a toujours pas de chroniqueur, toujours pas d'invité, donc on va y aller comme on le fait tout l'été avec nos chroniques maison à la bonne franquette. On va avoir une double dose de sexisme, ça ne devrait pas là, comme toujours. Aussi, comme toujours, une double dose d'une grosse pointe tendresse dans la dernière heure de l'émission. Il y a ta chronique qui, elle, se faufile comme une intruse entre mes blocs d'une heure. Tania's Gonna Entertainia, qu'est-ce qui s'en vient aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, je vais vous parler de country. Country! Country! Je vous parle de musique. Ouais. Je parle de musique canadienne, américaine et évidemment, je vais vous parler de country. Donc, vous l'aurez deviné, ça va être du country canadien ou américain. Mais je vais vous faire découvrir peut-être des gens que vous ne connaissez pas. Ben oui! Voilà. Pourquoi est-ce que tu prononces ça, country? Toi qui es tellement anglophone, pourquoi tu dis pas du country? Je sais pas, j'ai toujours préféré dire du country. Ouais, ben, tu cherchais un texte pour les publicités des aigles. Du country. Tu disais que le Japon allait venir en ville. Ils vont être ici. Ils seront dans nos contrées. Hein? Ils seront dans nos contrées. Ça aurait été pas pire. C'est pas pire. Ça aurait été pas pire. Marketing, là. Ouais, tu l'as, Mathieu, tu l'as. Donc, commençons sans plus attendre notre petite émission de 3 heures. On va être ensemble pour écouter de la musique de Palmarès, entre autres. Plein de belles choses qui se préparent pour vous. Commençons avec une nouvelle entrée de Chantal. Chantal Archambault, elle est, elle aussi, un petit peu country sur les bars. Oh, Tania, ouais. On présente-nous sa pièce Chantal Archambault. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre? On va entendre. Bien, en fait, juste pour que vous sachiez, elle est 18e du Palmarès francophone cette semaine. Donc, on tient à rappeler aussi que c'est du 6 juin au 3 juillet, quand oui, même, durant un l'été. Long palmarès. C'est ça. Donc, Chantal est à la 18e place présentement et c'est Corps étranger. On écoute ça, Assemblage requis sur C'est fou. 89.1 FM. Non, je ne suis pas folle. J'ai parfois fait erreur sur la personne. On ne déshabille pas un homme aussi facilement que l'arbre en automne. Tu comptes enfant qui retombe. Chambault, la pièce Corps étrangers à Assemblage Requis. Maintenant, c'est le moment d'apprendre. En début d'émission, c'est ce qu'on fait toujours. On veut mettre ça. On apprend en premier pour pouvoir se débarrasser de la tâche. Ah ouais? Tu comprends? Ah, mais c'est tout en le fun apprendre, Mathieu. Ah, j'aime ça, moi aussi, Tania. On se rejoint. On est peut-être des geeks là-dessus, hein? Je pense que oui, c'est ton seul côté geek. Ça, pis tes lunettes, hein? Ça, mes lunettes. J'aime les jeux vidéo parfois. Ah oui? Je tiens à avouer. Tu devrais en parler d'abord. Hein? Ben, c'est rare. Parle de jeux vidéo de charme, c'est parce que je suis pas très, très douée. Ah. J'aime ça, mais je suis ça dépend. Ça dépend contre qui je joue. C'est ça, c'est pas mon domaine. Je pense qu'on serait tous les deux genre dans le wrong way, genre. Peut-être. Ça dépend si je peux utiliser mes attributs pour gagner ou non. Ah dans les jeux vidéo, ça compte pas, ça. Ah oui, ça compte, crois-moi. C'est OK. Donc, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Les sources sont sur assemblagerequis.com pour ceux qui veulent voir les images, que ce soit avant ou après la chronique. Mais en gros, on essaie de faire que ce soit compréhensible pour tout le monde qui nous écoute, autant nos téléspectateurs que nos auditeurs. Mm-hmm. Commençons par un artiste turc, Hasan Kale, ou en français, Hasan Choufrisé. Hein? qui peint de miniatures petites toiles sur de la nourriture comme des arachides, des graines de citrouille, des amandes, des tranches de bananes, du chocolat et encore plus. Des M&M's. C'est tout petit, là. Ça n'a pas l'allure. Donc, les peintures sont tellement petites qu'ils utilisent une loupe pour les peindre. Moi, ça m'impressionne, du talent comme c'est ça. C'est vraiment fou, ça. C'est tellement petit, oui, le M&M. Il l'a fait sur un morceau de chocolat. C'est très, très, très détaillé, en plus. Là. Oui, il utilise plusieurs couleurs. Ouais. On voit que son pinceau, c'est pointu comme une aiguille. Attends, comme une aiguille. Pareil. Ensuite, il y a une cloche qui fonctionne à batterie à l'Université de Oxford qui sonne de façon continue depuis 175 ans. Il n'y a personne qui sait de quoi est composée la batterie et personne veut défaire l'appareil en morceaux pour comprendre en quoi est fait la batterie. Fait que ça fait 175 ans qu'elle sonne constamment. Voilà, à batterie. Mais ça doit tellement être fatigant. Oui, j'avoue, oui, tout à fait. Ma grand-mère avait une horloge grand-père, c'est ça, grand-père? C'est une horloge grand-père ou une horloge coucou? Je crois que c'était Coucou, mais qu'il y avait aussi le grand-père avec le genre de... OK, oui, de, oui, oui, de, possible. De va-et-vient en... en je sais pas, ouais, ouais, quoi, ça, c'est en métal. Oui, c'est comme les grandes horloges ouais. longues, là, oui. Mais elle faisait aussi, il me semble, des oiseaux. Mais je suis pas sûr. Peut-être. Bref, les souvenirs sont loin. Celle-ci s'appelle l'Oxford Electric Bell ou la Clarendon Dry Pile, donc, qui est une cloche électrique expérimentale installée en 1840 qui est utilisée ou qui fonctionne de façon presque continue depuis. C'était un des premiers morceaux achetés pour une collection du physicien et homme de clergé Robert Walker. La cloche a produit approximativement 10 milliards de sonneries depuis 1840. Et elle a le record Guinness pour la pile la plus durable au monde, livrant donc une tintinabulation sans cesse. Mais c'est sûr qu'on veut trouver de quoi est formée cette batterie-là. Là. Oui, mais personne ne peut. Elle n'est pas encore morte. Ça ressemble énormément aux pyramides l'autre fois. C'est vrai. Il y avait une porte qui menait vers quelque part, mais on pouvait pas s'y rendre parce que sinon il aurait fallu défaire la porte. Tout à fait d'accord. C'est compliqué. Donc, mais tintinabulation, je savais pas que c'était le mot pour plus. Quelque chose qui sonne. Et ça me rappelle dans Passe-Partout, il y avait un personnage dans la nouvelle génération qui s'appelait Tintinabule. Tintinabule. Ça vient de là. Les autruches et les zèbres vivent souvent ensemble pour se protéger les uns des autres des prédateurs. L'autruche peut voir beaucoup mieux que le zèbre, alors que le zèbre peut entendre ou sentir le danger mieux que l'autruche. Donc les deux font une excellente équipe. C'est comme Bon Cop, Bad Cop 3. Autruche et zèbre. C'est pas juste deux? Ouais, mais là, c'est le 2 existe déjà. Ah ouais, le 2 existe déjà? Ben, ils sont en train de le faire. OK, mais c'est ça, mais... OK, toi, tu veux dire que eux, ça va être le Bon Cop, Bad Cop 3. OK, oui, je comprends très bien. Parce que tu peux pas avoir les deux. Fois numéro 2, ça marcherait pas. Hein? Ouais. Hein, réveil. Hein? Ouais. C'est qui, ça va être Louis-José Hout qui va jouer l'autruche? Ah, ça serait malade. Moi, je suis pas pente. Mais oui, voyons. Louis-José Hout, tu le décris carrément comme une autruche. Il est polyvalent. Polyvalent comme une autruche. Ah, c'est un compliment. Le mutualisme... On s'excuse à lui. Oui, désolé. Désolé à tout le monde qu'on peut affecter... S'excuse à Louis-José Hude. ...dans cette émission. Donc, le mutualisme est la relation entre deux espèces d'organismes qui vont bénéficier l'une de l'autre de leur association. Les autruches partagent une relation mutualistique, donc avec ou mutualiste, j'imagine en français, avec les zèbres. Les autruches vont suivre les zèbres parce qu'ils ont un mauvais odorat, oui, et une mauvaise ouïe. Donc, ils vont profiter des zèbres qui, eux, ont une bonne écoute et un bon nez. Finalement, c'est des profiteurs. C'est à peu près ça. Quand c'est mutuellement bénéfique, quand ça a un avantage... Bénéfice. Bénéfice. C'est comme les amis, il y a des amis de même. C'est comme les amis, oui, c'est ça. Chacun son rôle. Et voilà. Une étude de l'université de Yale sur la reconnaissance des odeurs, justement, tiens, nous apprend que l'odeur des crayons Crayola est une des odeurs les plus reconnaissables pour les adultes. Clairement. C'est au numéro 18, ça bat le fromage et le javelisant qui sont placés en 19e et 20e place, respectivement. Qu'est-ce que tu mettrais en haut de Crayola? Mais là, on parle vraiment des crayons Crayola de cire. Les crayons de cire. OK. Les crayons, oui, de cire, exactement. Crayons, en anglais, c'est vraiment des crayons de cire. Ah oui, c'est vrai, ouais. T'as bien raison. Donc, le reste de la liste, qu'est-ce que tu mettrais dessus, toi? Crème solaire, bien évidemment. Oh, là, ça, c'est une affaire de... Ouais, j'avoue que... La crème solaire, ben là, les gars aussi, non? Vous reconnaissez pas l'odeur de la crème solaire? Peut-être, je sais pas. Vous confondez ça avec le parfum féminin? Je me demande, ouais, c'est ça. Ça va être ça. Bref, continuons avec, s'appeler soi-même docteur, même si tu n'as pas de PhD. C'est une offense criminelle en Allemagne. C'est un crime de se nommer soi-même docteur si tu n'as pas le doctorat qu'il faut. Continuons avec... Ici aussi, non? J'imagine que je crois qu'ici aussi, c'est illégal. Possible, je sais pas. La nourriture en canne peut durer de façon continue pendant plusieurs années, en fait, on dit de façon indéfinie, lorsqu'elle est scellée correctement. À son mariage en 1956, Beryl Lilly a promis de garder un poulet en canne. Un poulet complet en canne, ça existe. Oui, oui, c'est dégueulasse. J'ai vu des vidéos YouTube, c'est... Arc. C'est... Je peux pas croire. Mais donc, il a gardé un poulet au complet, dans une canne, jusqu'à son 50e anniversaire. C'était sa promesse qu'il avait fait. Et il avait dit qu'il le mangerait à ce moment-là. Il l'a mangé et il n'est pas tombé malade. Donc, félicitations. Mais quel genre de promesse de mariage, c'est ça? Chérie, on se marie en fin de semaine, là. Je te promets que dans 50 ans, on ouvre la canne ensemble. Je veux pas être plate, mais le couple a l'air un peu spécial. Je regarde la photo, allez la voir sur assemblagerequis.com. Je dis pas qu'ils ont l'air un peu pauvres, mais c'est peut-être ça. C'était comme ça qu'ils se sont rencontrés, par contre, dans l'allée des cannes de poulet. Peut-être. Et c'est peut-être pour ça qu'à leur 50e, ils ont décidé de manger. Peut-être que c'est un repas que sa femme a fait et son mari l'a mis en canne. C'est pour ça que c'est gluant de même. Regarde. Peut-être. Hey, c'est vraiment Ouais. Dégueulasse. Les chercheurs de l'Université Penn State ont introduit, donc ont présenté aux cochons des jeux vidéo contrôlés par joystick et en quelques semaines, ils commençaient à demander, à supplier les maîtres de pouvoir jouer à leurs jeux vidéo. C'est ça. Ils suppliaient pour être les premiers à pouvoir sortir de leur enclave ou enclos, comment t'appelles ça? Un enclos. Puis, enclos, c'est ça. Petite clôture. Vouloir être les premiers à jouer aux jeux vidéo. Ensuite, une petite clôture, oui, un enclos. Le premier message instantané sur AOL, tu te rappelles de America ben Online? Oui. Bon, donc il y avait une messagerie instantanée. Il a été envoyé ce premier message-là par Ted Leon 6 à sa femme le 6 janvier 93. Le message était, et je cite, n'aie pas peur, c'est moi. Je t'aime et je m'ennuie de toi. Non. C'est cute. Il aurait pu juste écrire test, test, one, two, ouais, test. Ouais, c'est ça. Beaucoup moins romantique. Non. Ouais. Ça, t'es droit au but, hein? Pas de romance, hein? Pas de préliminaire, pas de allô, comment ça va? Juste, ah ouais. Eh hein? Hey non, mais test, là... Test, test! Tu sais, j'espère qu'il avait déjà dit qu'il allait faire des tests de AOL par la journée. Test, testicule. Test, testicule. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu dis. Ah, mon Dieu, Mathieu. Ouais. Terrible. Une sorte d'abeille nommée Central American Stingless Bees, donc abeille qui ne pique pas de l'Amérique centrale, si on veut, est cultivée par les Mayas, a été cultivée, pardon, par les Mayas pendant des milliers d'années. Ces abeilles-là sont comme des animaux de compagnie, et on accroche leur maison, leur petite, leur, comment t'appelles ça? Leur nid. Leur nid, c'est ça, dans la maison. Okay. Et on dit qu'il y en a qui durent plus de 80 ans, et on les passe de génération en génération, ces niches-là d'abeilles. Mais c'est pas la première fois que j'entends que les abeilles sont vraiment vénérées dans certaines cultures. Ouais. Mais en plus, là, des abeilles qui ne peuvent pas piquer, je pense que tout le monde pourrait s'entendre que c'est une bonne chose si elles peuvent pas piquer. Ouais. C'est les flaps. Mais à quoi elles servent de base si elles peuvent pas piquer? Elles cute pour faire du miel, peut-être, je sais pas. J'ai aucune idée, je le connais, je sais pas. Je sais pas, faudrait s'informer. Ouais, c'est le résumé de la chronique, c'est un fait, voilà. Tania. Ah, voilà. C'est la chronique de la surface. Les gymnastes pourraient bientôt un jour en fait être jugés par des lasers à la place des juges qui lèvent des cartons 10 sur 10, etc. Ben voyons pourquoi. Donc pourquoi? Parce que ça va être plus précis peut-être. Hein? Donc on connaît les avancées technologiques comme les reprises instantanées, les logiciels qui peuvent détecter des problèmes lors de matchs de tennis, par exemple, si la balle quitte la ligne. Ouais. On va pouvoir le détecter mieux qu'un juge sur ligne. Comment tu appelles ça? Non? Un juge de ligne. Juge de ligne. Voilà. Un juge en ligne. Comme au hockey, Mathieu, un juge de ligne. Tu connectes à sa connexion Wi-Fi. Donc, la plupart des sports sont décidés quand même par des êtres humains qui ne sont pas toujours au courant des plus petits des détails. En gymnastique, par exemple, il y a une étude qui nous dit que 60% des erreurs d'athlètes ont été manquées, complètement ratées. Donc, Fujitsu croit avoir une réponse en collaboration avec la Japan Gymnastics Association. La compagnie d'électronique développe un sensor laser 3D qui pourrait être beaucoup plus précis que l'œil humain pour enregistrer les manœuvres rapides et complexes performées par des gymnastes élites, selon Vocative. L'espoir est qu'en enregistrant les données physiologiques comme les placements des jointures, ça va aider à fournir donc des évidences, des preuves, si on veut, pour les décisions des juges. Ça va aider à éliminer le biais potentiel du juge. Donc, un juge qui pourrait aimer un pays plus ou moins que l'autre. Là, il y aurait vraiment des preuves. La voici, la jointure était là, donc le mouvement était fait correctement. Donc, vous devez donner le point. C'est immanquable. On se comprend? Il y a des petites images qui vous montrent la situation dans le présent. Pardonnez-moi, donc la situation à présent où le score est basé sur l'observation visuelle, ce qui limite, il y a des limites, c'est ça, étant donné les techniques de plus en plus sophistiquées, et des marqueurs sur les gymnastes, donc 10 ou plus caméras dédiées vont être utilisées pour capturer le mouvement, et le but c'est que les sensors en 3D puissent reconnaître les positions des jointures et les différentes techniques, et par exemple sur l'écran du juge, ça pourrait écrire, bon, l'angle du coude droit était de 162 degrés, le coude gauche était à 170 degrés, pour voir si la manœuvre a été faite. Effectuer correctement. C'est pas merveilleux, ça? C'est très merveilleux. Donc, Fujitsu, par contre, c'est comme remettre en cause le jugement des juges. Absolument. C'est comme dire vous êtes pas assez bon, fait que finalement, on va tous vous remplacer par des lasers. D'un côté, oui. Ou encore, c'est de dire que les gymnastes sont rendus tellement bons et rapides que ça va plus rapidement que l'œil des juges à la Superman qui bouge plus vite que son... Peut-être. J'ai hâte de voir si ça va s'intégrer aux Jeux olympiques. Peut-être, en fait. Justement, Fujitsu est optimiste par rapport à la technologie qui pourrait être appliquée aussi au patinage artistique. Et ils disent que ça va être prêt d'ici les Olympiques de 2020 à Tokyo. Voilà. Voilà. Ensuite, on se demande pourquoi est-ce qu'on met les timbres en haut à droite sur une enveloppe? Il y en a en haut à gauche, non? En haut à gauche, c'est ton adresse, c'est l'adresse de retour. En haut à droite et la position du timbre. Donc, on nous dit, Caroline, j'ai pris un article vraiment long là-dedans. Hey boy. Un article vraiment très, très long. Donc, on va commencer par le début. Donc, c'est ça. Le service postal demande à ce que le timbre soit installé tout le temps en haut à droite sur les enveloppes et d'autres matériaux, peu importe dans quoi vous envoyez un paquet, pourquoi pas en bas à gauche, en bas à droite, en haut à gauche. Donc, ça veut dire que lorsque les timbres sont sortis pour la première fois aux États-Unis en 1847, il y a eu beaucoup de confusion par rapport aux timbres et on se demandait où les placer pendant un certain moment. Le placement était moins important à l'époque où tous les timbres étaient hand-cancelled individually by postal clerks. Donc, j'imagine que c'était des employés qui les enlevaient eux-mêmes. Probablement. Et avec l'introduction des machines qui ont commencé à faire ça dans les années 1890, le placement du timbre dans le coin en haut à droite est devenu de plus en plus important pour être efficace avec les machines. Donc, on croit que le placement coïncidait avec la main dominante de la plupart des gens qui se servaient de leur main pour enlever le timbre. Donc, ils étaient surtout droitiers. C'était plus facile de faire un coin en haut à droite. Maintenant que la mécanisation est arrivée, c'est maintenant des scanners optiques dans les centres de distribution de courrier. On peut maintenant se rebeller contre le système si vous voulez vraiment le faire. Selon une représentante des relations publiques senior chez USPS, qui est le service postal américain, les machines automatiques cherchent le timbre pour pouvoir appliquer son étampe. Okay. L'étampe du service postal. Si le timbre n'est pas dans le coin en haut à droite, ça pourrait être fait à la place par un humain qui va chercher le timbre ailleurs sur l'enveloppe et qui va pouvoir mettre l'étampe lui-même. Donc, ta lettre ne sera pas jetée si tu ne suis pas les lignes directrices. Bon, c'est correct. Ce que ça fait, c'est accélérer le service, finalement. Voilà. On peut être créatif quand même, donc c'est ce que ça nous dit. C'est dit que pendant l'ère victorienne, les jeunes amoureux qui avaient peur que leur courrier soit intercepté par des parents qui ne les approuvent pas ont développé un code qui cachait un message selon le placement du timbre. Donc un timbre à l'envers voulait dire que que l'envoyeur envoyait de l'amour au récipiendaire, alors qu'un timbre installé sur le côté aurait pu indiquer que tu te faisais envoyer à la friend zone, même à l'époque. Ah, wow. Tellement méchant. Au moins, ça t'avertit avant d'ouvrir la lettre. Oui, oui. Mais pas besoin de lire le message. Voici le timbre. T'es friendzoné. Directement. Boom. Message. Donc, les variations sur le système sont encore utilisées aujourd'hui par des gens qui écrivent à des gens en prison. Il y a beaucoup de... C'est tellement méchant. Oui. Le gars, il est en prison, il reçoit une lettre, puis boum, c'est genre la position de son timbre fait en sorte qu'il n'est plus en couple, il est maintenant simplement un ami. C'est friends, la femme envoie à l'homme une enveloppe avec friendzone dessus, et le gars envoie un timbre avec une larme en dessous, comme dans genre mode tué ma grève. C'est ça. Ouais. Comme les tatous. Comme les tatous, c'est ça. Donc, c'est ça, on disait les prisons surtout, et puis, ouais, c'est ça. Bon, c'est à peu près ça. Ensuite, continuons avec, il y a un village aux Pays-Bas qui s'appelle Giethoorn. Oui, j'aime beaucoup ton accent. Giethoorn, G-I-E-T-H-O-O-R-N. C'est aussi nommé la Venise des Pays-Bas parce que dans la vieille partie du village, il n'y a pas de route et tous les transports se font par les canaux. Oh, mais c'est très, très beau selon les photos que nous, on voit présentement. Oui. Absolument. Très, très joli. Et ça m'a même pas l'air de peinture, mais en fond, ça ressemble à une peinture, mais c'est vraiment... Je trouve que ça ressemble un peu au village des Hobbits. Absolument, oui. Et ils passent pas la tondeuse très souvent. Non. Une bouteille de vin nommée la Speer, Wine Bottle Speer, comme dans S-P-E-Y-E-R, a été trouvée en Allemagne en 1867. C'est le plus vieux vin du monde, datant de 325 avant J.C. jusqu'à 350 après, avant J.C. toujours. Wow. Wow. Hein? AD, c'est bien avant. Ça a l'air d'être de la bouette dans une bouteille en passant. Oui, absolument. Je suis pas sûr que quelqu'un, même dans Facteur de risque ou Fear Factor, soit capable de boire ça. Mais en même temps, ça a fermenté longtemps. Peut-être que c'est comme le meilleur alcool au monde. Ouh, peut-être. Et ça doit être super fort, là, ça, c'est certain. Peut-être que les gens paieraient des milliards de dollars pour acheter de l'alcool aussi vieux que ça. Mm-hmm. Un manoir maintenant nommé le Giraffe Manor. C'est un petit hôtel à Nairobi, au Kenya, qui a des fenêtres assez hautes pour que les girafes sauvages puissent passer leur tête et chercher de la nourriture, manger dans les mains des gens dans le manoir. Les fenêtres sont super hautes. C'est vraiment cool. C'est fun. Girafe, regarder par la fenêtre. Et te cracher d'en face, sûrement aussi. Ça, c'est les lamas, je pense. Ou manger tout ce qu'il y a sur ta table à déjeuner. Parlons de la Deuxième Guerre mondiale. La NFL, à ne pas confondre parenthèses, j'ai le câble, j'ai Bell depuis la semaine passée. T'as la télévision, alors les canaux de sport te trompent tous, c'est ça? Absolument, exactement. Non, mais pour vrai, OK. C'est vraiment ça. Tu as mis le doigt sur le bobo. OK, j'étais sur le chat, OK? Le chat de Bell. Parce que quand tu fais installer Bell Fibre, tu peux pas changer tes postes tout de suite. Ça prend 72 heures avant que le système soit actualisé. Bon, d'accord. Fait que là, je suis allé sur le chat de Bell pour avoir mes postes parce que Colin, je voulais mes postes. Mm-hmm. Je paye pour. Je veux pas avoir Historia, moi, là, puis Canal D, mais avoir mes postes à moi. Hey, Canal D, c'est le fun des fois. C'est pas français, je regarde Discovery. Ah, ok, ouais, c'est bon. Bref, donc, j'écris ça sur le Internet, le chat. Ouais. J'écris genre HLN, ok? HLN, H-L-N. C'est le poste de nouvelles de CNN. C'est comme CNN 2, OK? Ouais. Bon. Fait que là, le gars, il me dit, mais là, c'est parce que c'est une chaîne de sport, faut pas l'avoir. Faut que t'ailles LNH, c'est super cher. Faut que tu payes comme 10$ par mois. Je fais comme, non, pas LNH. HLN. Il me dit, ouais, mais NHL? Non, c'est non. Non, HLN. Et mon champion. Tu travailles pour Bell. C'est ta job de connaître les postes, dude. Et j'ai demandé CBS, le réseau CBS, c'est Big Bang Theory, les CSI. Ils m'ont mis CBS Sports. Ben oui, automatiquement, t'es un gars, tu veux CBS Sports. C'est sûr qu'un Québécois, s'il demande CBS, parce qu'il veut CBS Sports, pas le choix. Parce qu'il veut regarder son football collégial américain. Et voilà. Les petites écoles universitaires. Au Québec, c'est connu. Tout le monde veut ça. Ben oui, rien de moins. Bref, connais ton service, bro. Sinon, quand ils vont demander... J'espère qu'ils nous écoutent pas, sinon on s'excuse. Ben, s'ils nous écoutent, faudrait prendre un petit accent. Parce que là, c'est la poste de hockey. Ah oui. Donc, vous allez devoir payer de vous l'argent. Vous allez devoir payer. En tout cas. J'étais donc en train de dire, hors sujet complètement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la NFL, à ne pas confondre avec la FLN ou la LNF, le Front de Libération Nationale, je pense, c'est ça? Donc, a perdu plusieurs joueurs parce qu'ils ont quitté pour le service militaire. Résultat, donc, pour la saison de la NFL en 1943, et je me rappelle d'avoir déjà dit ce fait-là, mais je me rappelle qu'il était vraiment intéressant, les Philadelphia Eagles et les Pittsburgh Steelers ont dû se fusionner en une seule équipe nommée les Pennsylvania Steagles. Mélange entre Steelers et Eagles. Ah ouais? Les Steagles. Ça aurait pu aussi être les Eaglers. Peut-être. Ouais. Ensuite, le terme « meme » a été inventé par un biologiste évolutionnaire nommé Richard Dawkins, quand même assez connu, c'est le gars. Mm-hmm. Richard Dawkins, en 1976, ça représente une unité de transmission culturelle. Ah, d'accord. Un meme. Après avoir découvert une presse à impression abandonnée en Belgique pendant la Première Guerre mondiale, les soldats britanniques ont commencé à publier leur propre journal satirique directement des catacombes. Bref. Donc, ils ont commencé à faire leur propre journal satirique avec une presse abandonnée en Belgique. La plus haute décoration militaire qu'on peut avoir, la plus rare décoration militaire en Rome antique, était une couronne fabriquée de gazon. C'était donné aux officiers dont les actions avaient sauvé une légion entière ou une armée entière. C'était fait seulement de gazon, de blé et de fleurs. Ah, oh, ça devait être comme une cute. Oui. Il y a des filles qui se battent pour payer ça 120$ pour aller accoucher là. Les filles qui se battent, oui. Ben oui. Oui. Les filles veulent toutes mettre la main sur une petite couronne de fleurs. C'est comme les enfants avec les couronnes Burger King dans le temps. Pareil. Pour ta fête. Les scientifiques de la UCLA ont remarqué que, encore et encore, les gens souffraient de leur première expérience avec l'anxiété. Attends un peu. Oui, les gens souffraient de leurs premières expériences avec l'anxiété et la dépression directement après avoir eu une maladie à l'estomac. Ils ont fait des scans au cerveau. Après que les patients aient pris des probiotiques, ils ont appris que les bactéries dans l'estomac, en fait, allaient directement affecter la connectivité avec le cerveau. C'est à la UCLA qu'on a appris ça, donc peut-être que les probiotiques pourraient changer votre cerveau. Ah ouais. En 1978, le centre... Le joueur de centre. Le joueur de centre de la NBA, à ne pas confondre avec le NAB, qui est la National Association of Broadcasters, ou le BNA, qui est, je sais pas. Donc, le joueur de centre, Clifford Ray, a sauvé la vie d'un dauphin en utilisant ses bras. S'il met ses bras en T, OK, comme ouais. Jesus Christ Jesus. Superstar. comme Jesus Christ. Je sais pas, en fait. Oui, OK, en croix. Son reach, c'est juste sa main vers l'avant. Le reach au basketball, mettons son reach de 45 pouces. 45 pouces, c'est à peu ça près. Ça serait en avant. Ça serait en avant. Donc, mettons le reach de M. Clifford Ray. Ben, ça serait peut-être en hauteur aussi. Oui, ben, tu sais, dans le fond, c'est entre l'épaule... C'est la longueur de son bras. Entre l'épaule et la main. C'est le bras qu'on appelle. Moi, je fais ça, puis là, la clavicule me claque. Oui, c'est ça. Claque, t'as pas une clavicule. Donc, claque, claque. Donc, il a sauvé la vie d'un dauphin en utilisant son reach de 45 pouces pour attraper une vis que le dauphin avait avalée. Il a reçu l'instruction par téléphone d'un vétérinaire qui lui a dit qu'il devait aller dans le deuxième estomac du dauphin pour aller extraire la vis. Et il l'a fait parce qu'il avait un long bras, M. Clifford Ray. Hey, mais c'est vraiment vrai, là, il y avait vraiment un long bras si on regarde les photos. Absolument, absolument. Mais il a l'air proportionnel quand même, il n'y a pas les mains qui vont jusqu'aux genoux là, quand même. Il a l'air, sa grandeur a l'air de fonctionner avec la longueur de ses bras. et d'autres choses. J'ai juste parlé du bras. Moi, j'ai rien dit. Une chaîne de supermarché aux Pays-Bas. On revient aux Pays-Bas. Une politique. On voyage. On voyage. On le voit partout ici. Là. Les téléspectateurs sont ébahis et les téléspectateurs. Par la vision des paysages Caméra 3. Qu'on leur donne. Ah, c'est fou. Donc, une chaîne de supermarché aux Pays-Bas a une politique qui dit que si toutes les files, les queues, on l'appelle, les files ont 4 personnes dedans et que toutes les caisses ne sont pas ouvertes, OK, tu as le droit de garder ton épicerie gratuitement. Ah, oh, ouais. Une chaîne de supermarché aux Pays-Bas. Donc, si, mettons, il y a, je sais pas, 10 caisses. T'arrives, il y a 4 personnes dans chaque caisse et il n'y en a pas une seule qui est ouverte, qui n'a pas de client, ton épicerie est gratuite. C'est fort! Ils doivent faire de l'argent. Sûrement, et c'est beaucoup de pression pour les caissiers-caissières. Ben, mettons. Et emballeurs-emballeuses. Hey, ils doivent emballer, mon gars, à une vitesse exceptionnelle. Ça, oui. Et ça doit être fou. Tu dois avoir des produits pas mal effondrés dans ton sac tellement... C'est clair, ça ne doit pas être emballé de la plus belle façon. Avec soin! Ne pas se rappeler de... En fait, est-ce qu'on l'a déjà dit, celui-là? Ah, quand je le commence, je le fais pareil. Donc, ne pas se rappeler de ton chemin entre chez toi et le travail, ou entre chez toi et l'école, ça a un nom, ça s'appelle l'hypnose de l'autoroute, Highway Hypnosis. Oui, on en a déjà parlé. On l'avait déjà dit, sans plus. Les groomsmen qu'on appelle, donc ça, c'est les bridegroommen, donc les gens qui sont, qui lors d'un mariage, sont l'accompagnateur du mari. C'est bien ça? C'est bien un... C'est comme les femmes d'honneur, dames d'honneur d'un bord, les groomsmen de l'autre. Comment on appelle ça en français? Comment on appelle ça? Ben, c'est un... garçon d'honneur. Un garçon d'honneur, voilà. Bon, tellement pas original. En temps normal, les demoiselles d'honneur, puis les hommes d'honneur, bien souvent, ils sont accompagnés pendant le mariage. Oui, ils couchent ensemble souvent dans toutes les sitcoms, ils couchent ensemble. Ben, c'est ça. Dans les sitcoms, oui. Dans la réalité, je pense pas. Okay. Mais bien souvent, c'est ils s'auto-accompagnent pour que ça puisse faire. Ils s'auto-accompagnent. Ils ont besoin juste de leurs mains. Ça va bien. Ils s'accompagnent l'un l'autre de chaque bord pour que ça puisse fitter au nombre de... Pour quand, lorsqu'ils marchent dans l'allée vers l'hôtel de la jeunesse. À moins qu'ils soient déjà en couple. C'est ça. En tout cas. Bref, les groomsmen. Donc, les garçons d'honneur, à l'origine, étaient au mariage pour protéger la mariée de se faire kidnapper par un autre homme. À l'origine. C'est malade dans le temps des médiévales. Oui, mais c'est un article Wikipédia qui dit ça. Oui, Wiki. Merci, Wiki. Wiki Lake. Ça, c'est une actrice américaine. Personne ne comprend ce gag-là. J'aime ça faire des gags que personne ne comprend. Correct, on te pardonne. Un homme a envoyé promener une femme. Alors c'est que... pas nouveau. c'est ça le fait. Okay. Voilà, merci d'avoir été à l'écoute. Ça fait plaisir. Donc, un homme a envoyé promener une femme alors qu'il entrait sur l'autoroute de l'Utah. Utah Freeway, OK? Mm-hmm. Et ensuite, il s'est fait tirer sur son majeur... par son revolver à la femme. La femme, elle avait un revolver .357 à tirer sur le doigt du gars, puis elle a réussi à le pogner, puis le gars, il a perdu son doigt. Mais voyons donc! C'est vrai. Donc l'homme a essayé de suivre la femme, mais a fini par le perdre, et finalement, il est allé chercher de l'aide médicale à l'hôpital. Hey, rage au volant, hein? Oui! Le gars, il t'envoie... Le port d'armes aux États-Unis. Le gars, il t'envoie promener, toi, tu le tires, bang! Bam! Wham, bam, thank you, ma'am! On niaise pas que le puck! Une vraie Donald Trumpette. Bref, voilà, c'est tout pour cet effet. Wow! Voilà. Ben voyons donc. Hey, le gars, il a du panier de quoi, hein? Oui! Oh! C'est ça, c'est le bruit d'une balle pour c'est Tania. Le bruit de... Moi, tout fait ce bruit-là dans c'est ma tête. Wouhou! Voilà, c'est tout pour cet effet. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Laissez-moi reprendre mon souffle quelques instants avant de passer à une autre chronique que ça existe, ça ne devrait pas. On l'a. Vous avez ça? Oui. Moi, je fais ma liaison de la phrase précédente. J'ai adoré. Vous avez ça? Mais avant ça. Allons-y avec une pièce de Whitehorse sur leur album de Northern South Volume 1. Voici. Tiens, après Wham Bam, Thank You Ma'am. Ah non, c'est la pièce My Babe. Je voulais faire jouer la pièce qui disait Wang Dang Doodle. Mais non, je suis désolée, c'est My Babe. Yeah, en tout cas. Salut, babe. C'est une nouvelle entrée du top anglophone. Yeah! C'est assemblage requis pour encore quoi? Un bout de temps. Ouais, un bon 2h30. C'est ça, bien. Stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. True little baby, my babe. My babe, I know she loves me, my babe. CFOU.ca. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à CFOU. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Bonjour, c'est toujours à Assemblage Requis pour la semaine du 20 juin 2016. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Ah, rien à l'amuse, c'est Tania Baudin. Ah, c'est fou. Rien à l'amuse. Elle regarde les gifs animés pendant la pause puis elle trippe comme un petit chat. Moi, je trippe tout le temps avec des gifs. C'est ça. J'avoue c'est que les gifs, ça existe depuis les années 90, genre. Ouais, mais pas sur Facebook. C'est ça. On dirait que c'est comme une renaissance des années 2010. C'est malade. Tu sais, dans le temps de MSN, justement, le Messenger puis tout ça, là, on en avait aussi. Ben oui. Mais on devait les sauvegarder, si je me souviens bien. Je pense que oui, il me semble que oui. Ouais. Tu peux envoyer des buzz, pis ça. Ouais, c'est ça. Ah, les buzz. Bzzz. Ça gossait quand tu voulais pas parler à la personne. Ah, les souvenirs. C'est l'ancien. C'est l'ancêtre du ghost. L'ancêtre du ghost et du poke. Hey, j'ai reçu un poke récemment. Eh, ben moi aussi. Puis j'ai renvoyé le poke, puis ils m'ont renvoyé le poke, puis j'ai renvoyé le poke. Mais pourquoi on fait ça? C'est stupide, un poke. Comment t'as un gars qui se fait m'envoyer des pokes? Ah, je sais pas. Bref. Toujours à son âge requis, comme je le disais, maintenant c'est le moment d'aller s'acheter des choses sur Internet. Oui, c'est le moment de payer cher le shipping pour rien. Dans ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique où on achète des choses sur Internet. On commence avec un suivi de nouvelles qu'on a fait dans les dernières semaines. Je me rappelle d'avoir parlé de ce gadget-là en surface, mais on a quelques détails de plus sur le robot qui plie le linge, pour commencer. Ah, ça, là, c'est merveilleux. Oui, s'affranchir de la corvée du repassage et du pliage de linge sera bientôt possible à condition d'avoir 850 $ américains à dépenser dans Foldimit Family, une machine qui s'occupe de ses tâches ingrates à votre place. Repasser son linge fraîchement lavé et le plier pour le ranger s'avère être, pour la plupart des gens, une corvée néanmoins obligatoire. La maison connectée et l'automatisation des tâches ménagères rendront bientôt celle-ci totalement facultative à condition d'avoir les moyens d'investir dans une machine adéquate. Et cette machine pourrait être la Foldimit Family, dont la commercialisation est prévue en 2018. Conçue par une entreprise américaine, elle est capable de défrasser le linge grâce à un traitement à la vapeur, de le parfumer pour ensuite le plier de façon professionnelle. La machine s'avère imposante et s'installe par exemple à proximité de la sécheuse pour accueillir directement les vêtements à plier. Il faut cependant accrocher manuellement le linge à plier et Foldimit assure que la démarche est très simple. On a parlé la semaine passée que ça ressemble un petit peu au magasin avec leurs morceaux de plastique. Mm-hmm. Oui, plier par-dessus le morceau de plastique pour que ce soit parfaitement droit. Donc, on assure que c'est très simple et peut-être que la prochaine version, ramassera directement les vêtements dans le panier. Cette machine est pour le premier cas destiné à l'Amérique du Nord. Les précommandes débuteront en 2017 pour une livraison en 2018. Le prix est entre 700 et 850 $ américains. Un tarif qui va peut-être motiver les gens à plier leur linge eux-mêmes. C'est mon cas, en tout cas. Une autre nouvelle de la semaine passée, mais plus en détail, cette fois-ci, la Profix, la brosse à dents qui filme l'intérieur de la bouche. Je me rappelle qu'on avait parlé de notre intérieur de bouche. Donc, êtes-vous certain de vous brosser correctement les dents? Dans le doute, et si vous avez quelques centaines de dollars à dépenser, vous pouvez vous équiper de la brosse à dents Profix, équipée d'une caméra 1080p. Elle transmet en direct l'image de l'intérieur de la bouche à un smartphone. Et le but de cette intra-selfie est d'améliorer sa technique de brossage et de suivre au plus près son hygiène dentaire. Donc, il s'agit d'une brosse à dents électrique connectée, ce qui jusque-là n'est pas nouveau, mais elle permet en plus de filmer sa bouche et de voir la vidéo sur son smartphone pendant le brossage. Les images sont en haute résolution avec une caméra de 10 mégapixels. Il est également possible de prendre des photos dès que vous voyez un éventuel élément inquiétant sur votre dentition pour l'envoyer à votre dentiste ou à un ami. Hein, un ami qui connaît ça, les dents. Tu sais, ton dentiste n'a rien à voir que tu leur enverras pas un courriel pour leur demander des... Ils vont te demander de payer pour des conseils, c'est les dentistes. Je sais pas si c'est un conseil. Tu sais, ça dépend à quel point t'es près de ton dentiste ou de ta dentiste. Là. C'est ça. Si dans ta famille ou dans tes amis proches, t'as un dentiste, OK, oui, tu peux y envoyer une photo de tes dents. Là. Sinon, mais en tant que garde-toi une petite gêne. C'est ça. Ils sont pas là pour ça. Là. Donc, l'application fournit aussi des statistiques sur la fréquence à laquelle vous brossez vos dents et donne de petites astuces pour améliorer votre technique de brossage. L'objectif d'un meilleur accompagnement au brossage des dents peut paraître honorable et en effet, la manière dont nous brossons les dents n'est certainement pas optimale, que ce soit en temps ou en qualité. Rares sont ceux qui prennent le temps de se brosser les dents trois fois par jour, selon ce qu'on devrait faire. Pardon, donc le prix de la Profix aura toutefois de quoi décourager la promotion temporaire à 300$ aux précommandes. La brosse sera ensuite disponible en 2017 à partir de 400$. C'est très, très, très cher. C'est vraiment cher. Le jeu vidéo Pong a été recréé sous la forme d'une table. Le Table Pong Project est mené par un fan du jeu vidéo très vintage Pong qui s'est fixé pour objectif de reproduire le jeu sous la forme d'une table de jeu physique qui respecte le gameplay du titre d'origine, un travail de longue haleine. La création de Daniel Perdomo force le respect. Ce fan de Pong, souvent considéré comme le premier jeu vidéo, a décidé de reproduire le gameplay du titre au cœur d'une table de jeu. Cette dernière peut servir de table pour prendre le café, par exemple, mais un rapide coup d'œil à l'ensemble permet de s'assurer qu'elle cache autre chose de bien plus intéressant. Il travaille depuis plus d'un an à ce projet qu'il documente énormément sur la page Facebook dédiée. On y découvre les premiers visuels du concept, ses essais de logiciels et toute la mécanique qui vise à simuler les sensations du jeu au sein d'une table physique. Tu te rappelles, c'était le jeu avec des barres blanches sur les côtés, il y avait une balle dans le milieu. Ping-pong, ping-pong. Ah oui, ça c'était le fun. On pourrait croire qu'il s'agit d'une table de hockey comme celle qu'on trouve dans les salles d'arcade, mais la table Pong va plus loin et fonctionne sur un système de poulies, courroies et autres puissants aimants qui se chargent de contrôler les raquettes et le palais. Le palais étant la rondelle. Le tout donne vraiment envie d'essayer ce dommage réussi au jeu sorti en 72. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. En fait, c'est pas une vidéo, c'est une galerie photo. Ensuite, Tania, celui-là pourrait t'intéresser plus que l'autre. C'est une brassière de sport connectée. Yes! Qui veut devenir ton entraîneur? Bonne chance! Pauvre enfant. Ouais, pauvre enfant. Je suis désolée, en plus, je l'ai posté sur Facebook. Je suis pas fine. Tu l'as mis celle-là sur Facebook, j'ai pas eu. Mais non, mais pas cette brassière-là, mais la demande. Ah? La fameuse demande d'hier. Ah oui! Donc, le téléphone intelligent, le bracelet et la montre connectée ne suffisent plus pour faire du sport comme il faut. Vous avez besoin d'une brassière connectée. Donc, c'est le pari de Hera Training. Le concept lancé par le fabricant de lingerie français Milicia est assez simple. Cette brassière destinée uniquement aux femmes. OK. Embarque de nombreuses... Pourquoi, en fait? Mais parce que c'est assez difficile pour un homme de porter une brassière. Pourquoi? Mais parce que vous n'avez pas de sein. Dépendant. Ouais, bon, okay. C'est ça. Cette brassière, tu sais. C'est juste pour les nerfs qui passent là. Et si elle est connectée avec peut-être tout ça. Peut-être, ça a bien du sens. Ah, peut-être à vous. Je m'en suis bien sorti. Ça semblait anti-queer pendant. Donc, cette brassière destinée uniquement aux femmes embarque de nombreuses électrodes placées sous la poitrine pour capter le rythme cardiaque et respiratoire, mais aussi la température, l'hygrométrie, ça c'est l'humidité, etc. Ouais. Au centre, ça doit être ça. L'humidité ne doit pas être la même sur une femme que sur un homme à crack. Ce niveau-là. Exactement. Ouais, dans l'entrejambe petit gars. Au centre vient se loger un petit capteur noir qui va récupérer toutes ces données et les envoyer à votre smartphone. Une application dédiée va alors analyser ces données et s'adapter aux besoins et aux envies de l'utilisateur. L'application, c'est le cœur du système. Elle propose des combinaisons d'exercices adaptés en fonction de ce que vous souhaitez faire. L'application qui est à l'étude depuis 3 ans propose ainsi des programmes personnalisés pour vous aider à arrêter de fumer, à perdre quelques kilos en trop, à améliorer votre endurance. Bref, la promesse d'un coach personnel qui va s'adapter à votre exercice au jour le jour. Le projet a été présenté le 8 juin à Futur en scène, a été lancé sur Kickstarter le 7 juin. Il est possible de pré-acheter le gadget connecté au prix de 150€. En 24 heures, Hera Training a convaincu 44 contributeurs. Bon, là, on va aller voir en direct dans quelques instants. Cette brassière ressemble un petit peu à l'Exoskin, qui est un t-shirt connecté lancé en 2015, qui enregistre également toutes les informations physiques des sportifs. Mais ce dernier est destiné particulièrement aux professionnels, alors que Hera Training est utilisable par tout le monde facilement. Sur Kickstarter, on est rendu à 15 500€ sur 50 000, il reste encore 30 jours. Madame, si ça ne vous tente pas de vous procurer cette brassière-là, faites appel à Mathieu. Il va devenir votre entraîneur privé. Une petite gifle. Ping-pong, ping-pong. J'ai pas le gadget noir qui va entrer les seins. Pas le bidule noir. Je m'excuse. Maintenant, on va essayer de transformer notre téléphone intelligent en Game Boy avec un étui. Le fabricant spécialiste du rétro gaming Hyperkin relance le Smart Boy, un étui permettant de transformer un smartphone en Game Boy. Ah oui, ça c'est cool. C'est malade. Hyperkin est une société spécialisée dans le rétro gaming. Elle est notamment grossiste en consoles multiplateformes rétro N, mais elle fabrique aussi et surtout ses propres accessoires et pièces de rechange pour consoles d'ancienne génération. Elle se lance sur un nouveau secteur en annonçant le Smart Boy, un appareil qui permettra de transformer son smartphone en Game Boy. Donc le smartphone est une sorte d'étui dans lequel on insère un smartphone et qui le dote à l'avant des commandes de Game Boy, à l'arrière d'un lecteur de cartouches original Game Boy et Game Boy Color. Pas le Game Boy Advance, malheureusement. L'appareil reproduit les couleurs, la disposition et même les rainures caractéristiques de la première console portable de Nintendo. La division Hyperkin Lab commercialisera un Smart Boy Developer Kit. Le fabricant compte sur une communauté de développeurs pour finaliser son firmware open source et en faire un produit de série. Il reversera un pourcentage des ventes de produits aux contributeurs. Le Smart Boy Developer Kit requiert un smartphone muni d'un écran de 5 à 6 pouces, d'un port micro USB, OTG au centre de la tranche inférieure et au minimum Android 4.4. Le Smart Boy était initialement une idée de blague pour le 1er avril, mais Hyperkin a décidé l'année dernière de concrétiser le concept en annonçant le développement d'un appareil pour iPhone 6 Plus. Un an plus tard, le projet a été encore évolué puisque c'est finalement Android qui a été retenu, du moins dans un premier temps. C'est vraiment... comme un Game Boy gris d'origine. Pareil. Avec un espace vide pour insérer ton téléphone et venir le brancher dans le port qui est en dessous de l'appareil. Et même le derrière a les fentes et tout ça, et la place pour mettre la cartouche. C'est vraiment très, très, je dirais, assez fidèle au Game Boy, à quelques détails près, là, mais quand même, ça a bien. J'ai hâte de voir, par exemple, si ça va bien fonctionner. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir comment ils vont adapter les boutons à l'écran. Peut-être que ça va être avec une application qui va détecter peut-être que c'est du tactile qui est en arrière du bouton et puis ça appuie sur l'écran à la bonne place. Je sais pas. J'ai hâte de voir. Ensuite, on reste dans le même domaine des jeux vidéo parce que tu nous as dit tantôt que tu étais geek un petit peu sur les jeux vidéo. Ça dépend lesquels, honnêtement. Ouais. Mais j'ai déjà joué à des jeux de guerre. Ouais. Je me suis trouvée quand même très bonne pour shooter du monde. Bon. C'était un peu inquiétant. Ouais, bon. C'est ça, t'es un peu trop violente à mon goût. Là. Ouais. Donc, c'est un gars ici qui transforme un jouet de Burger King en Game Boy Color totalement fonctionnel. Ah! Ouais! Donc, un jouet de Game Boy proposé dans les restaurants Burger King en 2000, en véritable et minuscule console de jeu à l'aide de Raspberry Pi Zero. C'est possible. Donc, un peu d'imagination, de pratique, et un Raspberry Pi permet de réaliser des objets inattendus. Mais le Redditor, donc ça, c'est un utilisateur du site Reddit.com, Chase Lambeth, qui s'était lancé dans l'aventure, a fini par comprendre que c'était pas aussi facile que prévu. Après plusieurs mois d'essais, il a finalement mis son projet en stand-by avant de découvrir qu'un autre internaute avait réalisé le même projet. Il a donc décidé d'en faire l'acquisition pour moins de $250 et a dévoilé l'appareil sur Reddit. Il faut avoir de petits doigts pour jouer sur cette Game Boy Color Nano, mais le résultat s'avère propre et assez joli, sans compter qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de place pour transporter cette console, qui intègre un écran LCD de seulement 2 pouces et fonctionne avec un émulateur nommé RetroPie. Dans cette petite console, on peut faire fonctionner des jeux autres que ceux de Game Boy Color parce que c'est un émulateur qui est à l'intérieur, mais en pratique, les configurations des boutons limitent les possibilités parce que tu as seulement 2 boutons sur un Game Boy, alors que sur les autres consoles, tu as 4 boutons A, B, X, Y des fois. Oui, c'est vrai. Donc, une construction qui reste cependant plus simple à utiliser que le Game Boy Nano d'un maker danois, plutôt cette année, qui utilisait un écran de 1,5 pouces. Un autre utilisateur de Reddit a posté son intention de reproduire lui-même cette Game Boy Color Nano et de documenter sa fabrication pour la mettre à la portée de tous. Allez voir l'article si vous voulez vous-même fabriquer votre propre Game Boy Color Nano, parce que ça ressemble énormément au vrai. Mais en plus petit, ça ressemble un petit peu au Game Boy. Il y avait ce qui s'appelle le Game Boy Micro. C'était un produit Nintendo en tant que tel. C'était tout petit, tout minuscule. C'était horizontal. C'était pour les jeux de Game Boy Advance. C'était vraiment cool. Ils en vendent sur eBay en ce moment, si ça vous intéresse. Ils sont pas trop, trop chers. On y va maintenant avec une queue de chat. Oui. Pour votre pantalon. Et qui fait des mouvements. Quoi? C'est pour ceux qui trippent vraiment beaucoup trop sur les chats. Sur les furries aussi, ceux qui aiment se déguiser en mascotte, écureuil, lapin et autres. Donc c'est la Twitchy Kitty Electronic Tail, un design vendu par ThinGeek pour $35. Tu clips ça à l'arrière de ton pantalon et avec deux batteries 2A, ça va swisher d'un bord à l'autre pendant plusieurs heures. C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus, mais ça va d'un côté à l'autre, gauche-droite. En fait, c'est pas la queue au complet qui bouge, c'est comme le bout de la queue. OK. Donc le bout qui est en bas se fait aller un petit peu gauche à droite, tortillon, tortillon. Oui. C'est cute, mais c'est le gadget qui se branche sur ton pantalon est beaucoup trop gros pour moi. Oui, vraiment, ça a l'air de, tu sais... Un micro-pack pour les animateurs télé. Exactement, comme quand je fais de la télévision, ça a l'air de mon micro-pack. C'est pas nécessairement une référence que les gens comprennent, mais c'est quand même relativement gros, là. C'est comme un paquet de... Ben, c'est très gros même. C'est comme 3-4 CD par le nom, si les gens comprennent pas non plus. C'est comme... On pourrait dire qu'il faut chercher longtemps, là. Il n'y a pas d'exemple. Non, il n'y a juste pas d'exemple pour ça. C'est comme 5... Un ancien... iPhone dessus. Ouais, mais je m'en ai dit, c'est comme un ancien Walkman. Et boy, c'est pas à tout le monde. C'est pas à tout le monde. Notre public est né dans les années 90. Ah, désolé. Maintenant, vous pouvez envoyer une enveloppe remplie du ciel de la nuit. Une enveloppe remplie du ciel, Tania. Tu sais, quand tu dis « je voudrais te décrocher la lune », maintenant, vous pouvez décrocher les étoiles et foutre dans une enveloppe. Oh wow, rien Pensez moins. À ça de sacré. Non, ça s'appelle Starfield Envelope. C'est une enveloppe qui, lorsque ouverte, est tenue à une source lumineuse, va révéler l'intérieur du ciel. On peut en acheter 5 enveloppes pour 83$ ou 10$ chaque. C'est parfait pour envoyer un ami, peut-être qu'il y a trop de pollution dans sa ville. Ou trop de pollen. Trop de pollen, oui, exactement. Donc, pollen de la pointe. enveloppe pareil. De... Ouais, pareil. Ensuite, c'est un vase qui ressemble... Est-ce que tu te rappelles, dans les années 90, il y avait les Chia Pets? Et? Les Chia. Chia, un peu. C'est comme un truc de porcelaine, en mettons porc-épic ou en chat, et avec des trous. Et là, tu faisais pousser des plantes qui sortaient par les trous, et ça faisait des cheveux. Je me souviens de ça. Bon, donc c'est la même chose, mais pour vos plantes. OK. Ça s'appelle le Wig Vase, un design de Tania Da Cruz. Donc, c'est un vase en forme de tête, mais vide à l'intérieur, qui est assis sur une petite base d'eau. Et là, tu peux mettre des plantes et des fleurs pour créer ta propre coiffure qui va sortir par les trous. C'est vraiment fort. Ça coûte environ 315$ par vase. Quand même. Oui, très cher. C'est le genre de gadget qu'on va sûrement trouver dans des magasins genre... c'est quoi, Stokes, là, pour une trentaine de dollars éventuellement. Probablement. Mais pour l'instant, 315$ pour les riches. Ça vous intéresse, allez voir sur idilly.com, idilly.com. Ça s'appelle le Wig Vase. Ensuite... wow, celui-là est quelque chose. C'est des sous-vêtements qui ont flotté dans la brise hawaïenne. OK. Pas brésilienne, hawaïenne, pendant 2 jours. Ça coûte 60$. C'est dans un pot de vitre sous-vide. Peut-être pas sous-vide, mais en tout cas, dans un pot hermétique, voilà. Hein? Pour hommes, des sous-vêtements pour hommes. Des sous-vêtements pour hommes. Donc, c'est des sous-vêtements, en fait, anti-odeur. C'est les DOS... Hawaiian Breeze Anti-Odor Men's Underwear pour 60$ par paire qui aurait présumément, oui, trempé dans la brise hawaïenne, dans l'air hawaïen avant d'être mis dans une bouteille de vitre et envoyé aux consommateurs, aux clients pour mettre leur propre appareil reproducteur à l'intérieur. 60$ pour une paire de sous-vêtements. Ouais. Il y a une pub sur assemblagerequis.com pour voir de quoi ça a l'air sur la corde à linge, ces sous-vêtements-là. C'est des boxers, tout ce que de plus classique en passant. Ouais, vraiment, ils sont bleus avec une ligne grise. Je me demande vraiment s'ils ont installé des poteaux avec des cordes à linge dans la... Partout. Dans le, ouais. Ou encore si c'est un montage par ordinateur. Je miserais plus là-dessus, moi. Moi aussi. Bref. Soyez naïfs et achetez 60$ par paire. Ah, maintenant, tiens, pour ceux qui aimeraient revenir un peu à l'époque où on avait des lits 2 étages quand on était enfant, mais quand vous allez en camping, c'est un lit portatif 2 étages. OK. Un portable bunk bed pour faire un party pyjama sur la route. C'est cool. Ça s'appelle le Kiddo Bunk. Kiddo Bunk. Donc, escamotable, portatif pour faire la fête partout où vous allez. C'est vendu par la compagnie Brookstone pour 290$. Rien à dire de plus, mais c'est disponible en plusieurs couleurs, en genre de jaune, vert, lilas, un genre de bleu bizarre jaunesque. C'est cool, et tu peux les défaire en 2 lits côte à côte et les réinsérer en lit superposé comme ça te tente. Très joli. Ensuite, vos rêves deviennent réalité. Enfin, Tania, tu vas pouvoir te faire du tricycle. Ah, rien de moins, j'attendais ça depuis tellement longtemps. Mais à combien de personnes tu voulais faire du tricycle? Plus de 2. Plus de 2? Oui. Mais moins que 8? Exactement. Donc 7? Tout à fait. Ce serait un tricycle à 7 personnes. Voilà que tes rêves sont exaucés. Le 7-person tricycle vendu par, évidemment, les pourvoyeurs de produits cheap et trop chers, Hubbaker Slammer. Ça coûte 20 000$ plus 650$ de shipping. Le cadeau parfait pour la personne qui a déjà tout dans le monde et ses amis, bien sûr. Mais ça doit tellement mal aller. Ben, mais ça, parce que ben, j'imagine que ça va dans un seul sens, là, mais les gens comme pédalent à l'envers ou sur le côté ou à 45 degrés. De quoi perdre la tête, je pense. Ah ouais, puis ça a l'air de tourner en rond en plus dans la petite vidéo. Et les sièges ont l'air les moins confortables au monde. Alors, je suis pas certaine que j'aimerais ça. Hubbaker Slammer, leur slogan pour vrai est « Nous offrons le meilleur, l'unique et l'inattendu depuis 1848. » C'est ouais, leur slogan. Bon. Mais tu vois que les gens arrivent à pédaler dans le bon là, sens, là, quand même. Ouais. Puis dans le vidéo, ils ont tous l'air de sortir des années 80. Oui, absolument. Et c'est drôle parce que il va dans le véhicule du contraire que j'aurais pensé. Parce que d'habitude, le tricycle, la roue seule va en avant et les deux roues vont en arrière. Mais là, ça avance. Le contraire, c'est les deux roues qui sont en avant pour avancer et la roue unique en arrière. Il me semble que c'est ça, un tricycle, je suis plus sûr. Là. Oui, je me semble. C'est ça que j'avance, en tout cas. Non. Non? Une roue en avant, 2 roues en arrière. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Oui. Mais les autres, c'est 2 roues en avant, 1 roue en arrière. Mais ça dépend comment qui pédale. Ah! Oh! Bon point. Parce que j'aurais pensé que t'aurais pu freiner en allant à l'envers. Hey, faut tout qu'ils freinent en même temps, hein? Sinon... Confusion totale, hein? Il y en a qui pédalent moins que d'autres à certains c'est moments. C'est sûr, il y en a qui sont plus lâches que d'autres là-dedans. Mais c'est comme, il y avait pas un fait dans C'est un fait il y a quelques semaines qu'on disait que, oui, c'était au souk à la corde. Du moment qu'il y a un travail d'équipe à faire, on sent que les gens donnent moins d'efforts que s'ils doivent le faire tout seuls. Parce que tu sais que les autres vont pousser plus, donc tu peux te permettre d'en pousser moins. Ouais. C'était intéressant. Oh boy. Oh boy, le prochain. Oh boy, l'image est floutée parce que c'est pour nos téléspectateurs en ce moment. Public conseillé seulement, averti. Faites attention à ce que vous regardez sur Internet. Et ce que vous écoutez, peu importe vos 18 sens. 18 ans et plus pour celle-là. 18 ans et beaucoup plus. En fait, c'est un rouge à lèvres, un lipstick en forme de... Pipi! Pipi! C'est Amazon qui vend une ligne... de rouge à lèvres en forme de pénis. Ouais, rien de moins. Un emballage de 12 pour 18$. Je sais pas si c'est un pouce chaque, ça va te faire un 12 pouces rendu à la fin. C'est pas cher, 10 pouces! Hein? Hey. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Mais le fait, c'est que les couleurs... les couleurs sont quand même très belles. Et les vénures. Ouais, c'est... Je veux vénir les vénures. C'est bien fait, c'est bien fait. Est-ce que tu vénir les vénures? Je suis pas certaine encore. Est-ce que tu vas vénir si tu vénir les vénures? Faudrait demander à ceux qui l'ont essayé. Rappelle-toi cette phrase-là, Tania. Non, je suis pas sûr que ça me tente de me rappeler. On cherche toujours, à chaque émission où on a du plaisir, l'été, on a beaucoup plus de plaisir que le reste de l'année parce que Colin, il est l'après-midi ou du matin, ça. Mm-hmm. Et on se rappelle jamais du titre de l'épisode. C'est vrai. Fait que, tu sais, tant qu'à faire, est-ce que tu vénères? Les vénures. Les vénures. Voilà. Ce sera le titre de l'épisode, peut-être. On verra. Comment savoir? Ensuite... Ah, on reste dans le même domaine, Tania. Je t'ai fait un petit bloc juste pour toi. Ah, t'es fin. Bikini Babe et Macho Man, c'est des coussins de piscine, des coussins gonflables pour la piscine, qui sont absolument ridicules. Ils sont en forme, en fait, d'un torse nu d'homme, avec ses pectoraux dans les fentes du matelas. Ouais. Et un sous-vêtement gris. Et du côté de la femme, c'est une brassière rouge et un bas de bikini rouge aussi. C'est drôle comment le bas et le haut ne fitent pas dans le rouge. C'est pas le même rouge. C'est pas le même rouge. Ah non? Non. Hey, t'as l'œil, toi. Mais savais-tu que les filles ont accès dans leur cerveau ou leurs yeux à plus de teintes, nuances de chaque couleur? Ça doit être à cause de nos rouges à lèvres. Peut-être. Mais pour vrai, les hommes, c'est prouvé. Selon une étude, je me rappelle pas trop, j'avais lu ça quelque part. Rouge, c'est rouge. Bleu, c'est bleu. Ben, tu sais, t'as rouge foncé, rouge pâle, rouge peu importe. Là, mais tu sais, dans les chaque catégorie, t'as. Oui. Ouais. Vous êtes meilleurs pour ça que nous, apparemment. Donc, c'est ça, c'est vendu par Perpetual Kid pour 40$ chacun. Bikini Babe. À défaut d'avoir un chum, t'as un matelas en torse d'homme. Qui te colle aux fesses parce que c'est fait en place. C'est vrai. C'est quoi qu'avec les chirurgies de nos jours, ça peut être la même chose chez la femme? Hein? Mm. On change complètement de domaine. On s'en va sur la table du Donjons et Dragons de nos geeks adorés. C'est un ensemble de dés à 20 côtés, comme on connaît pour les Donjons et Dragons, mais fait en caoutchouc, en fait, ou en quelque chose qui va pas rebondir. En fait, ça va rebondir sur la table, mais ça fera pas de bruit. Hein? OK. Donc, pour ceux qui aiment Donjons et Dragons et les autres jeux qui ont besoin de dés avec plusieurs côtés, comme les D4, D6, D8, D10, D12, D20, et même les percentiles de 0 à 9, D10, en tout cas, il y en a plein de choses comme ça. Mm-hmm. Donc, c'est un emballage, un ensemble de 2... Non, de 7 dés de 2 pouces. Squishy, donc c'est un peu comme les jouets pour chiens, si on veut. Ouais, un peu. Chaque ensemble coûte 20$ et tu peux jouer sans faire de bruit à passer à ton heure de dodo. Donc on les voit avec différents chiffres dessus, là, 50, 70, 80, 18, 4, 14, 20. Il y en a plein de sortes. Allez voir ça. C'est une bonne idée et ça a l'air de vrai dé quand même quand tu les regardes. Ils ont pas l'air squishy quand tu les regardes, il me semble. Et si ton chien est du genre à jouer à Donjons et Dragons, pourquoi pas? Ah ben oui. Vous pouvez maintenant faire votre propre petit globe qui fait de la neige dedans quand vous le brassez. Ah oui! Ça, c'est le fun. Et vous pouvez commander J'ai toujours rêvé d'avoir ça. Ben, veux-tu le faire toi-même? Ben, j'aimerais bien ça. Combien paierais-tu? Pas trop cher, par exemple. 19,99$ américains pour ça, si on fait l'envoi. Donc, changez votre projet de bricolage en un superbe cadeau pour un être cher, peut-être, en faisant votre propre globe de neige. C'est pour les enfants de 6 ans et plus. Ça inclut tout, le globe de plastique, l'argile polymère, ou en tout cas, le pas l'argile, clé c'est argile, mais le polymère. On va dire le polymère. Et des brillants, pour pouvoir faire aller votre imagination. Ça doit être super le fun à faire en plus comme activité. Ben oui, une activité de famille. Ensuite, c'est un oiseau bionique contrôlé par téléphone intelligent. C'est un peu comme un drone, mais en forme d'oiseau. Si vous êtes allé des voitures contrôlées téléguidées, des bateaux, des avions, des quadricoptères, qu'on appelle des fois les drones... Vous voulez rendre votre chat peut-être complètement fou, il vous faut le Bionic Bird. C'est un oiseau contrôlé par téléphone. C'est super réaliste. Il peut faire aller ses ailes et voler à l'intérieur comme à l'extérieur à des vitesses qui vont jusqu'à 12 miles à l'heure. Vous avez qu'à le charger pendant 12 minutes sur sa batterie en forme d'œuf. Ça dit Unique Egg Battery. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Qui peut tenir jusqu'à 10 charges. 10 charges, c'est pas beaucoup. Non. Téléchargez l'application, connectez via Bluetooth à votre appareil iOS ou Android. Lancez l'oiseau dans les airs et il va commencer à voler. Chaque charge dure jusqu'à environ 8 minutes. Et ça a un range de 100 verges. Ou jusqu'à ce qu'il atterrisse sur un toit ou sur un arbre parce que vous le contrôlez mal. Allez voir la petite vidéo de l'oiseau Bionic Bird en action. Je dois dire que c'est mon genre de truc pas mal plus qu'un drone. Parce que ça a l'air d'un oiseau. Il se fait aller les ailes pour vrai puis il vole. Ah ouais. C'est comme ton propre oiseau à toi. Mais c'est cool. C'est vraiment plus cool qu'un quadricoptère. Donc bref, Bionic Bird. Allez voir ça. Tiens, une mini presse à café. Oui, je sais. Est-ce que t'aimes le café fait dans du bonhomme? Dans du bonhomme? Oui. Avec le que tu presses. Oui, oui, oui, oui. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Donc, c'est Aozora Mini Coffee Press. C'est la machine à café la plus portative au monde, nous disent-ils. Donc, c'est vous remplissez la presse avec votre café frais préféré. Vous y mettez votre eau chaude préférée pendant quelques minutes. Vous squeezez. Et voilà, vous avez maintenant une tasse de café parfaite pour le voyage, le camping, au bureau, n'importe où où vous n'avez pas de café proche. C'est tout petit, ça ressemble, je dirais, à un mixeur. Tu sais, les petites mixettes, là? Oui. Pour, je sais pas, les fraises ou les fruits et légumes. Juste les petites mixettes pour la crème. Oui, oui, oui. La crème. Oui. Bon. Sauf sans le bâton, sans le haut bâton. C'est juste le bout. Et il y a un petit bouton qui ressemble à un tee de golf pour appuyer. C'est vraiment très bien fait. J'en veux deux. Un pour chaque main, tu sais. Ah oui. Ah, ça là, pour vrai, là, j'ai mis deux gadgets de suite que je veux moi-même me procurer. C'est la Micro Adjustable No Holes Belt. Hein? C'est pour avoir votre ceinture à la dimension parfaite. Tu sais comment, moi, ma ceinture présentement, je l'ai pris une taille trop grande et il manque un trou. Oui. Okay? Fait que là, faut que tu fasses un trou dedans. Faudrait que je fasse un trou. L'autre taille d'avant, parce qu'il n'y avait pas toutes les tailles, l'autre taille d'avant était trop petit. Ça faisait que ma sangle ne se rendait pas dans ma. Ça, non. Le bout de la ceinture ne se rendait pas dans la sangle. Oui, exact. Bon. Bref, fait que je ne peux pas gagner. Avec cette No Holes Belt, ce design vraiment imaginatif, c'est une boucle de ceinture normale. Ouais. Ça s'accroche à la ceinture au point où tu en as besoin. Donc, tu vas déconnecter la boucle de ceinture, mettre ta ceinture comme tu veux et en faisant clipser la boucle de ceinture, ça va figer la ceinture à l'endroit où tu es rendu. Ah, c'est génial. C'est vraiment fantastique. Donc, tu peux vraiment desserrer ta ceinture, la serrer au moment que tu veux. Et ça coûte 37$. Et j'ai vu un modèle, je me rappelle pas c'est où. C'est dans une précédente chronique ou encore une future chronique, je me rappelle pas. Il y avait une ceinture avec des petites fentes à chaque genre de millimètre. OK. Tu pouvais vraiment, comme à la place de défaire ta boucle et serrer et refaire ta boucle, tu pouvais juste tirer sur la ceinture en tant que telle et ça venait prendre la forme de ton ventre. Ah, c'est bien ça. C'est vraiment super cool. Si je le retrouve à un moment donné, d'après moi, ça devrait être dans une chronique future. On en reparlera, mais donc celle-là coûte 37$ avec la boucle. C'est vraiment une très très bonne idée. Parfait pour les fêtes d'ailleurs, si vous voulez un cadeau où la personne va pouvoir manger plus de dinde et slaguer sa ceinture. Tout le monde gagne. Plus de bûches. Plus de bûches. Ensuite, ça, c'est cool. Je suis pas certaine, c'est bizarre en tout cas. Cool. C'est un oreiller de voyage en forme de bretzel. Mais l'idée, c'est que tu t'insères le gros morceau du bretzel, la grosse fente du bretzel dans ton cou. Oui. Et le reste du bretzel te sert pour venir à côté tes mains, un peu comme si tu avais les bras croisés, mais qui dépassent du bretzel. Et comme si tu peux dormir en position assise, sans avoir les bras dans les airs. Si tu sais pas où mettre tes bras, là, tu vas mettre ta tête par-dessus ton bras, puis tu vas avoir des fourmis dans les bras. C'est vrai. T'sais, donc, en ayant les bras à une place commune comme ça, tu vas pouvoir peut-être mieux dormir pour 35$. C'est rempli de padding autour de ton cou et ça va garder tes bras et ton cou bien soutenus en train, par exemple, ou en avion. Ouais, ok, j'avoue que pour les bras, ça vaut la peine. Ouais, donc c'est sur Kickstarter en ce moment, ça s'appelle le Pretzel Pillow. Ensuite, allons-y avec le. Ça là. C'est le Jerk-Off Shirt. Pardon? Le Jerk-Off Shirt, c'est pour les gens qui veulent prendre soin de leur propre personne. Ouais. Hein? C'est-à-dire manger leur propre beef jerky avec leurs mains en dessous de la table en faisant un mouvement de va-et-vient. On se comprend-tu? Oui, on se comprend. Donc, l'idée, c'est que la chemise contient un bras prothèse pliable ainsi que ta vraie main va en dessous d'une fausse main. Donc, la prothèse est vraiment là pour cacher ta main. Okay. Et ta main va dans ton pantalon et tu peux stimuler ton organe sans que ça paraisse. Après ça, par contre, c'est bonne chance pour te rendre à la salle de bain pour te laver. Ben... parce que là, t'as trois bras, là. Ben, ou quatre, dépendant ouais. de ton... Ouais. Exactement. C'est ça. C'est... ouais. Pas sûr. Tu sais, au pire, là, reste pas à ton bureau pour le faire. Il y en a qui sont tellement obsédés. Ah non! Il y a un gif animé d'un gars en train de se faire non. la passe. T'es-tu sérieux? Sur thejerkoffshirt.com, il y a le mouvement de va-et-vient en gif animé comme si on avait besoin de voir ça. C'est terrible. Mais t'as vu que les gars... J'aime les gars... beaucoup le fait que Mathieu vienne de fermer ses yeux. Mais c'est que le gars... ah, les cheveux... le gars, là, on va se le dire, le gars a une belle apparence, OK? Oui, quand même. Il a la barbe bien taillée ouais. et ses cheveux bien placés. Un gars avec la barbe bien taillée et les cheveux bien placés, c'est comme une femme avec du maquillage. Même mieux que deux, tu l'auras. Et voilà. Ouais. Donc, le gars est tellement bien coiffé que je me suis dit que peut-être qu'il revient de la toilette puis qu'il s'est comme en plus passé la main dans le... un peu oh. comme dans Marie, un je ne sais quoi. Il s'est mis du gel naturel. Ouais. Yo. Yo! TheJerkShirt.com. Ensuite, tiens, on a parlé la semaine passée, je me rappelle pas c'était quoi, est-ce que c'était d'un jeu, oui, c'est un jeu d'échecs portatif la semaine passée qu'on avait mentionné, où les morceaux d'échecs étaient plats en 2D et plus insérés dans le carton. Oui, exact. Donc ça faisait un jeu très très mince parce que tu pouvais poinçonner les cartons pour faire des morceaux d'échecs qui venaient se mettre dans des fentes dans la planche. Ça prenait vraiment pas beaucoup de place. C'est ça. Ici, c'est pas exactement la même chose, c'est un jeu de preset chess. C'est un jeu d'échecs où les pièces sont déjà placées dans la boîte de bois. OK. Et sur le dessus, il y a un petit... t'as ton panneau de planche d'échecs qui va par-dessus le tout. Et quand t'es prêt à jouer, tout ce que t'as à faire, c'est enlever la planche d'échecs, la mettre par terre et venir... en fait, non, excuse-moi. Tu vas laisser la planche d'échecs collée sur la boîte de bois. Tu vas virer à l'envers la planche d'échecs pour qu'elle aille sur la table. Et en soulevant la boîte de bois, les pions étant intégrés dans la boîte ouais. vont venir sortir et se placer à la bonne place. OK. C'est comme un tour de magie. Donc c'est Preset Chess qui te donne une partie d'échecs sur la route sans demander rien de plus. Évidemment, si t'as mis les bonnes pièces aux bons endroits. Hein? Donc tu flippes la boîte à l'envers, tu appuies sur les trous et tu relâches chacun des morceaux. Chacun des morceaux tient dans sa slot pour pas que ça sorte en voyage dans okay. ton sac. Donc tu vas appuyer sur les pièces pour les faire sortir. Ouh, et quand tu as terminé ta ronde, tu remets les morceaux dans les slots corrects et tu vas remettre la planche par-dessus pour venir cacher le tout et que ça tienne. Et d'ailleurs, il y a des icônes sur la boîte de bois pour te dire où mettre chacune des pièces. Donc, tu vas avoir une icône pour le roi, une icône pour la reine, le fou du roi, etc. etc. Okay. Donc, c'est fait de bois solide pour que le jeu soit encore plus luxueux. Et bien sûr, ça vaut le prix de 70$ sur Kickstarter. Ça s'appelle Preset Chess. Pardon. Ensuite, on y va avec un ouvre-bouteille qui va envoyer un message texte à vos amis quand c'est l'heure de boire. Ah! C'est le Box Smart Bottle Opener. OK. Donc, si vous voulez pas avoir à appeler vos amis quand c'est le moment de boire, il y a maintenant un projet Kickstarter pour un ouvre-bouteille à une seule main qui a à l'intérieur une puce. Bravo, une puce et une carte. Donc, qui va envoyer un message à vos amis lorsque l'appareil est utilisé pour que tout le monde puisse savoir où tu es rendu. Donc, c'est le Box pour Bottle Opener X, créé par une équipe de trois amis qui viennent de différents pays. C'est fait à la main de bois et d'acier, la plus récente mode, bois et acier mélangés ensemble. L'opener a un crochet, une boucle pour le doigt, un coup à angle pour pouvoir placer sur le dessus de la bouteille pour pouvoir décapsuler. L'utilisateur n'a qu'à squeezer la main vers la bouteille pour ouvrir la bouteille et la puce et la carte. En fait, c'est une carte et une puce, les deux en même temps, on a chacun trouvé la moitié du mot. La petite batterie qui va à l'intérieur, une batterie 3A. Et aussitôt que tu décapsules, ça envoie un message sur Facebook Messenger, toi. Ça fonctionne avec une pile 2A, pardon, connectée par Wi-Fi à votre téléphone cellulaire par une application. C'est tenu par deux vis, donc remplacer la batterie est assez simple. Et l'application permet de tracer et partager le nombre de bouteilles qui ont été ouvertes. Et ça donne des prix après certaines balises. Donc, mettons, tu as ouvert 10 bouteilles, 100 bouteilles, tu vas recevoir un badge ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Donc, on demande 18$ pour réserver votre Box Bottle Opener avec la pile incluse. Et une fois que le projet va s'être rendu à 15 264$, vous pouvez aller voir la vidéo sur assemblagerequis.com pour voir l'ouvre-bouteille en action. Moi, je vais aller voir sur la page Kickstarter pour voir qu'ils ont engagé presque 400 contributeurs se sont engagés à payer presque 20 000$ pour soutenir le projet. Donc, ça a fonctionné. Voilà. Wow. Ils disent même qu'ils vont faire la fête ce soir en ouvrant des bouteilles. Évidemment. Bien sûr. Est-ce que des cours de spin pourraient être la mode dans les autobus du futur? Des cours de question. Spin. Donc, si tu veux te squeezer un petit peu de workout, de gym avant d'aller travailler ou après le travail, mais que tu manques de temps parce qu'il faut que tu ailles attraper ton autobus, le trajet prend une demi-heure, faut que tu manges ton petit, je sais pas, croissant avec ton petit café. Bon. Donc, à la place, tu pourrais passer ton temps dans l'autobus à faire du gym. Une compagnie de fitness nommée nommée One Rebel, a révélé ses plans. Ils vont combiner l'aspect pratique du transport en public avec les avantages du cardio matinal. Donc, c'est des autobus qui vont être rétrofités avec des spin bikes, ou des vélos stationnaires et d'autres équipements sportifs. C'est Mashable, en fait, qui dit que... Ils ont parlé avec plusieurs compagnies d'autobus. Ils n'ont pas encore reçu la lumière verte du gouvernement, mais la compagnie dit qu'il permet déjà aux gens de s'inscrire en ligne pour être parmi les premiers à recevoir un avertissement quand ça va commencer à être présent dans les villes. On se demande encore, évidemment, côté sécurité, est-ce qu'il va y avoir des ceintures, des casques, même si on se demande depuis des décennies comment ça fait qu'il n'y a pas de ceinture dans les autobus. Ben ouais, c'est vrai. Donc, si on peut ne pas avoir de ceinture assis dans l'autobus, pourquoi ne pas en avoir assis sur un vélo dans un autobus? Hein? D'accord. Bref, l'expérience devrait coûter entre 17 et 22 $ américains pour une session de 45 minutes. One Rebel offre un rabais de 10% à ceux qui s'enregistrent très très tôt, donc maintenant. Et sinon, vous pouvez juste faire du vélo pour aller au travail. Là. On s'entend que, hein, comme dit l'article, un vélo pour aller au travail ou un autobus ou un vélo en autobus pour aller au travail, c'est pas la même chose et tu vas arriver tout aussi suintant. Je pense. Faut juste pas que tu sortes du gym pour t'en aller ailleurs, puis là tu prends le bus qui spinne. Ouais, en effet, ou encore que tu prends le bus qui spinne, puis que tu sors dehors, puis que tu sois en train de suer, puis qu'il fait super froid, puis tu prends un rhume. Eh, c'est vrai. Hein? Y a pas de douche dans l'autobus quand même. Et on nous dit qu'on peut focuser mieux avec une lampe qui va seulement s'allumer lorsque tu mets ton téléphone sur silence. Hein, on sait tous que nos téléphones sont une distraction. Ouais. Mettre son téléphone de côté et faire ce que t'as à faire, c'est pas toujours facile. Donc, c'est une nouvelle lampe qui vous force à consciemment mettre votre téléphone de côté pour pouvoir accéder à la lumière. Ah, oh, c'est une bonne idée. Ça s'appelle Tranquilo. Tranquilo, spoté, vu par Co-Design. Va seulement s'allumer lorsque tu mets ton téléphone sur sa base. Et lorsque tu mets lorsque la lumière s'allume, le dock va automatiquement switcher le téléphone en mode ne pas déranger. Va enlever tous les bing-bong, bis-buzz qui pourraient vous déconcentrer. Et tu peux éteindre le mode ne pas déranger, mais ça prend une étape de plus pour rallumer la sonnerie une fois que ton téléphone a été mis sur le mode silence, ce qui va encourager les gens à continuer sans leur connexion numérique. La lumière elle-même est dans un contenant standalone, donc qui fonctionne tout seul lui-même, qui peut être attaché soit à la base de la lampe ou enlevé pour être utilisé comme source de lumière ambiante ailleurs. C'est un peu comme une genre de chandelle électrique. Ça a été créé par une équipe de designers. Ça fait partie d'une maîtrise en design de produits à l'Académie Domus à Milan, en Italie. La lampe n'est qu'un concept pour l'instant, n'est pas à vendre, mais quand même, c'est intéressant, ça s'appelle... où était le nom de la lampe? Attends, j'essaie de trouver mon... Tranquilo, tranquilo. Ah, voilà. Tranquilo, si ça vous intéresse. Le lien est sur assemblagerequis.com. Voilà pour ça, existe, ça ne devrait pas. On a un autre bloc qui s'en vient plus tard. De ça, peut-être on verra ce qui s'en vient plus tard. Parce qu'après la pause, tout à l'heure, ça va être Tania et Is Gonna Do It. Oh oui! Mais avant ça, on s'en va entendre une autre pièce du palmarès. Cette fois-ci, de Les Indiens, Tania. Oui, Les Indiens qui sont eux aussi une nouvelle entrée dans le palmarès francophone à la 20e position avec leur pièce Sauvage. Assemblage de Spooky! 89 FM! Chaka, Ouka Chaka. C'est vrai, hein? Ça fait un peu incantation. Ben, le groupe s'appelle Les Indiens. Ça a du sens qu'il y ait des incantations dedans. Vu comme ça, t'as bien raison. Les Indiens et la pièce sauvage à Assemblage Requis. Bon retour, comme on l'a dit, c'est Tania qui va nous divertir dans Tania et ce gars-là était génial. Restez là. Ouka Chaka. Assemblage Requis. Aujourd'hui, assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez tardé pour l'écouter. 89.9. Bon retour, c'est toujours Assemblage Requis pour la semaine du 20 juillet 2016. C'est Tania Baudet. Avec Mathieu Plante. Tu t'es mis à chanter pour l'intro de la deuxième heure. Ben ouais, je viens de remarquer. Ah oui, hein, on la met moins souvent, celle-là. Un petit peu moins. C'est sur les paroles de Valès Perrietter, chantée par Tania et moi sur une musique de Ludwig Göransson qu'on débute. Tania s'est exposé les épaules pour le bien de nos téléspectateurs. Ouais, caméra 3. Attention. Voilà. T'es comme une. Il y a tellement plus de budget, c'est fou, qu'on est non seulement animateur, technicien, directeur technique, metteur en onde, c'est ça. Producteur, réalisateur, en plus aiguilleur, celui qui dit caméra 3, go! Ouais. Caméra 2, go! Et voilà. Là, on fait tout en même temps. On fait tout. T'es incroyable. Tout. La multimédia sensorielle multinationale. Oui, c'est ben fou. Oui. Ben oui. Rien, rien, rien. Rien de moins. Et rien de plus, non plus. Donc. aussi. Tiens, elle est notre plus-value, comme diraient les Français. La plus belle de l'émission, c'est Tania Baudin que voici avec Tania Is Gonna Entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Ta-da-ta-ta-ta. And she's gonna entertain ya. Ma voix de rhume fait vraiment avec la chanson, je crois. Ouais, hein, quand même, c'est pas pire, c'est pas pire. Je trouvais que ça donnait un petit air de groove. Groove bluesy, ouais, bluegrass. T'as bien fait ça, Mathieu. Trace de gazon dans les shorts. C'est ça. Donc, Tania, aujourd'hui, on parle de musique country. Ben oui, on va parler de musique country parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais. C'est quelque chose aussi qu'on n'entend pas souvent à la radio au Québec. Non. Je dirais que c'est quand même assez très rare. Mettons qu'on entend ça à la radio. Absolument. Je sais qu'il y a une autre station. Sur la rive sud, je crois, je vous dis ouais, country, non? Qui en joue. Mais... C'est ce qu'on appelle CK Bin. La radio Bin. La radio Bin? C'est vrai? Non, vraiment pas, c'est juste C-Cobin. C'est moi qui l'ai inventé, c'est la gueule. Ah, c'est le quoi? C-Cobin? C-Cobin, Radio Bin, c'est comme les Bin Gay. Ouais, c'est ça, ça aurait été malade. Ouais. En tout cas, j'ai décidé de parler de country aujourd'hui parce que ça fait quelques émissions dans mon émission à moi, En Piste avec Tania Baudin, que je fais jouer des pièces musicales country. Puis c'est des artistes que j'aime découvrir. Parce que oui, on connaît les bons vieux Tim McGraw, Luke Bryan, Blake Shelton. Mais bien souvent, quand on connaît ceux-là, on aime ça en découvrir d'autres aussi. Et ce que j'aime particulièrement, c'est de voir qu'est-ce qui se fait ici au Canada. Donc, j'ai comme décidé de faire un joyeux petit melting pot de tout ça aujourd'hui et de vous présenter quelques artistes qui sont canadiens, mais aussi, je pense que j'en ai deux, trois qui sont américains, que j'ai découvert avec la bonne vieille application Spotify! Yeah. Parce que, je tiens à vous dire, si vous cherchez à découvrir quelque chose, je pense que Spotify, c'est quand même une des bonnes places pour découvrir de la musique. Ouais. Vous en avez vraiment de tout genre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la plupart du temps, ils vont être catégorisés comme si vous cherchez du country canadien, ben vous allez tout simplement taper country et vous allez avoir une liste qui va s'appeler Country Canada. Ouais. C'est malade comme ça. On devrait demander à Spotify de nous sponsoriser. Alors, de ce côté-là, j'ai vraiment décidé d'y aller, de faire quelques recherches. J'en ai trouvé quelques-uns qu'on n'entend pas souvent parler. Tu sais, on connaît le fameux Brett Kissel parce que lui, il avait participé... Ben, il n'avait pas personnellement participé au concours de La Voix, mais il a fait une apparition dans La Voix, je pense c'est il y a 2 ans, quand c'était Johan qui voilà avait gagné. Voilà, deux ans. Alors, pour ça, on connaît quand même le fameux Brett Kessel qui est canadien. On va peut-être en faire jouer un petit peu plus tard, mais je voulais vraiment faire jouer ceux qu'on ne connaît pas nécessairement et faire découvrir surtout ceux que l'on connaît plus ou moins. Une des choses que j'aime bien dire lorsque je parle de country avec des gens qui connaissent quand même ça, c'est que ça prend quand même un kit pour devenir un countryman. Ça prend du bagage. Oui, les émotions derrière l'écriture des émotions, chansons. Les émotions, tu sais, il y a une équation que tu dois faire pour devenir un bon countryman. Et bien souvent, c'est d'abuser du whisky ou du scotch, ouais. D'être un ancien athlète d'un sport X, que ce soit le baseball, le football ouais. ou le hockey. Et de porter des non seulement des chapeaux de cow-boy, mais aussi de porter des casquettes, bien évidemment. La moustache? La moustache, plus ou moins, ouais. Mais de parler surtout de ce qui ne fonctionne pas dans l'amour. Oui. C'est oui, t'as des tunes d'amour country qui sont bonnes, elles sont positives, mais ceux qui pognent le plus souvent, c'est ceux où ça va pas super bien. Faut que tu parles de ton truck aussi, je pense. Oui, bien évidemment, j'avais oublié ça. Ton truck. Ton truck ou tes chevaux aussi. Oui. Tu vois, si t'as toute cette équation-là. Ben, chevaux et chevaux modernes. Exactement. Hein? Alors, je pense que si t'as toutes ces équations-là, tu devrais être un bon countryman. Okay. Et c'est vraiment quelque chose que ça prend parce que bien souvent dans les tunes, on va voir que ça parle d'alcool. Bien souvent, la relation n'aura pas fonctionné à cause de l'alcool ou à cause du truck. Hey, mais c'est les parallèles qu'on pourrait faire avec le hip-hop, là. Ah, c'est fou, puis hein? Les drogues, puis les... C'est la même chose. Les meurtres. Et voilà. Mais je trouve ça quand même drôle parce que c'est vrai que la plupart du temps, si t'es un countryman, t'as cette équation-là qui te vient dans plusieurs de tes pièces musicales ou de ta vie, point. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le premier artiste que je veux vous présenter qui est Chad Brownlee. On va se le dire, il a pas l'air d'un gars countryman. Chad, comme dans One Tree Hill. Ben oui, Chad Michael Murray. Ben oui. Ouais, mais il s'appelait pas de même dans One Tree Hill. Ben oui. Il s'appelait Lucas. Ben non. Mais bon. D'accord. OK. Chad Brownlee, il n'y a pas nécessairement un abus d'alcool, là, je sais à vous dire, dans ses chansons. Par contre, qui il est? C'est un Canadien qui vient de la Colombie-Britannique et il est un ancien... Attention, roulement de tambour. Joueur de hockey! Oh! Donc déjà en partant, il a cette équation-là qui fonctionne très, très bien. Il a quel âge? Il a l'air d'avoir 19 ans avec Chad Brownlee. 31 ans. Il a 31 ans. Il est né en Colombie-Britannique. Il a joué pour les Canucks de Vancouver en 2003. Il a été repêché, mon Dieu, je pense que c'est dans la 6e round, donc 190e au total. Il a joué 4 ans. Hey, t'en dis, les facteurs importants. Hey, je sais, hein? Il a joué 4 ans, mais c'est drôle parce que c'est souvent ce qui arrive avec les joueurs, pas les joueurs de hockey, mais avec les hommes de la musique country, ça n'a pas fonctionné dans un sport X, alors ils ont décidé de faire d'autres choses qui s'avèrent souvent être de la musique country. Ben oui. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Est-ce que c'est parce que ça demande pas de talent? Non, c'est une blague. Oh, c'est méchant. Mais non, mais je pense que ça doit être... je sais pas. Je sais vraiment pas. Puis en fait, la raison pour laquelle il a décidé de se lancer dans la carrière de musique country, c'est tout simplement parce que ça faisait plusieurs blessures qu'il avait du côté de sa carrière d'hockeyeur. Alors, de ce côté-là, il a vraiment commencé à jouer de la guitare quand il était en pause de jouer du hockey. Alors, de ce côté-là, c'est comme ça qu'est né sa passion de la musique. Et il y a quand même déjà 4 albums à son actif. Il en a sorti un, son 5e, il n'y a pas très, très longtemps, en avril 2016, qui s'appelle Hearts on Fire. Et c'est une des pièces de cet album-là que je vais vous faire... écouter dans pas très très longtemps. Et lui-même dit que ce nouvel album-là, c'est vraiment une nouvelle étape à sa carrière. Il sent vraiment que lui, avec cet album-là, qui est vraiment très très centré sur les relations de couple et que ce soit de bonnes relations de couple ou de moins bonnes relations de couple, il sent qu'il a passé à une nouvelle étape beaucoup plus professionnelle dans le monde du country. J'ai écouté quelques pièces différentes de ses anciens albums et c'est vrai qu'on dirait que ça fait un petit peu plus... ça fait juste un petit peu plus professionnel. On dirait que peut-être que l'artiste a passé à une autre étape aussi dans sa vie. Alors, les sujets de conversation dans ses chansons sont très, très différentes. Alors, de ce côté-là, j'ai vraiment le goût de... Je voulais vous faire écouter une chanson qui s'appelait « I hate you for it ». Mais malheureusement, j'ai pas pu mettre la main sur cette pièce-là, que ce soit sur le fameux site de YouTube ou que ce soit sur Internet. Alors, j'ai tout simplement décidé de vous faire jouer... Attendez. Gone Gone. Et voilà, oui, c'est Gone Gone. C'est, comme je le disais, une pièce qui se retrouve sur son plus récent album. Et c'est une très bonne pièce. Alors, on va l'écouter et par la suite, je vais vous parler d'un autre artiste. Over and rolled off my shoulder. I told her it's nothing at all. Swore I wouldn't miss her. I took all the pictures out of the frames on the wall. You don't know what you got till it's gone, gone. Takes losing it to know what you want. Every tick of the clock, you wish it could stop. Putting off and moving on. You tell yourself you're okay. You lie, like you're not thinking about her all the time. But you're still hanging on. You don't know what you got till it's long gone, long gone. I roll down the back road and roll down the window, turning the radio on. Smile slides off her face and the sun turns to gray when it starts playing that old song. You don't know what you got till it's gone, gone. Takes losing it to know what you want. Every tick of the clock, you wish it could stop. Putting off and moving on. You tell yourself you're okay, but you lie like you're not thinking about her all the time. But you're still hanging on. You don't know what you got till it's long gone, gone, gone. You don't know what you got till it's gone, gone. Used to be so right, now it's all wrong. Gone, gone, Chad Brownlee. Je vous disais que c'est très, très différent de ce qu'il a déjà fait. Alors, entre autres, je veux juste prendre quelques secondes pour vous dire qu'est-ce qu'il a déjà fait, si jamais vous connaissez déjà le nom. C'est lui, entre autres, qui avait fait son premier single, The Best That I Can Be, Superhero. Ça a été lancé en 2009. Ça avait vraiment fait un hit total. Par la suite, on a un petit peu moins entendu parler de lui, mais c'est très, très le fun qu'un Canadien comme ça puisse se mettre sur la map. Et ce que j'ai l'impression, c'est qu'on a de plus en plus de Canadiens dans le monde du country qui commencent à faire leur marque et qu'on devrait peut-être entendre un petit peu partout. Ça fait différent. Oui, ça serait bien, bien le fun. Et si jamais ça vous intéresse, il est du côté de l'Ontario le 25 juin. Je pense que c'est dans la ville de Bala. Vous irez voir sur son site Internet. Tous les renseignements sont là. Il reste des billets. Alors, si jamais ça vous tente de faire un léger petit road trip pour le 25 juin, eh bien, Chad Brownlee en spectacle, ça doit être quand même assez plaisant à voir. Plus, c'est quand même un bel homme, là. Ben oui. Si les gens peuvent pas y aller, ils vont se dire « Ah là, je peux pas y aller. Ben là, je peux pas y aller. » Ben là, on s'en prendra. Et voilà. Le deuxième Canadien dont je veux vous parler, eh bien, c'est Dan Davidson. Il fait vraiment parler de lui à fond présentement à cause de son nouveau hit qui s'appelle Found. C'est d'ailleurs la pièce qu'on va entendre un petit peu plus tard. Mais c'est vraiment un Canadien qui fait parler de lui beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est numéro un présentement dans le style Indie Canada. Par contre, c'est vraiment très, très country. Okay. Donc, vous allez voir, ça a dû être catégorisé comme Indie parce qu'il n'était peut-être pas nécessairement très, très connu lorsque la pièce a été présentée au grand public. Elle a été écrite avec un des gars de Roadhammers, qui est quand même un groupe connu. Donc, ça a été écrit avec Clayton Bellamy. C'est un gars... Attendez, je veux trouver, mais... J'étais en train de regarder ses photos, là. Il y a plusieurs gars qui s'appellent Dan Davidson, dont un humoriste. Fait que j'allais te dire, genre, il y a plus l'air d'un humoriste de stand-up qu'un chanteur de country, mais c'est pas le même Dan Davidson. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est bien. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Mais moi aussi, quand tu laissais chercher pendant que tu dis. Oui, je sais, mais même moi, quand que je faisais les recherches, je suis tombée sur plusieurs Dan Davidson, ouais. Et c'était assez difficile, de trouver ses pièces, parce que justement, ça m'arrivait tout le temps à un autre Dan Davidson. Ça ressemble à Dan Davidson Music qu'il faut chercher. Hein. Oui, exactement. Puis malheureusement, il n'a pas encore de page Wikipédia. Non. Alors, c'est vraiment, il est à ses tout débuts en musique, mais c'est vraiment ses hits, le hit Found qui fait vraiment beaucoup parler de lui. Ça passe beaucoup, beaucoup dans les radios anglophones dans l'Ouest canadien, d'ailleurs. C'est très, très indie rock, vous allez voir. Il y a eu d'autres projets aussi, On The Side, qui étaient très, très rock. Donc, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve dans ses pièces. Moi, j'ai très, très hâte de voir l'album qui va nous sortir. Ça devrait, je pense, sortir dans pas très, très longtemps. Si j'ai bien lu aujourd'hui, ça devrait sortir dans pas trop longtemps. Alors, j'ai vraiment hâte de mettre la main sur cet album-là pour voir si ça va jouer dans les mêmes types de sons que la pièce Found, que je pense qu'on va écouter immédiatement parce que vous allez voir, vous allez apprécier vous-même. Et si jamais vous appréciez pas ou vous appréciez, dites-le moi sur la page Facebook. Well, it might be the whiskey talking, might be the wine, but I think that I found someone I can settle down with all my life. Once bitten and twice shy, I've been through the worst, now I wanna make you mine. A country house and a family, we can have that beautiful life. Well, it might be the whiskey talking, might be the wine, but I think that I found someone I can settle down with all my life. I've been running from the light, only darkness till you came around. Now a country house and a family, we can have that beautiful life. Well, in my maple tree, a country house and a family, we can have that beautiful life. Well, in my Dan Davidson avec la pièce Found. Vous voyez, lui, dans l'équation, il avait vraiment pris le whisky en question. Il l'a mis dans une chanson. Ça l'a fait une chanson vraiment à hit, là. On peut pas dire le contraire. Ça sonne toune de l'été du type country. J'aimerais ça entendre ce genre de musique-là tourner un peu plus dans les radios. C'est rare qu'on voit ça. Ben, les radios sont très surformatées. Ouais, c'est vrai. Au Québec et en général dans le monde, là, mais je pense que c'est plus les radios alternatives comme la nôtre qui peuvent se permettre de jouer des chansons qui ne sont pas dans le top 40. T'as bien raison. Puis il dit lui-même s'inspirer beaucoup du style de Bon Jovi, que ce soit dans son look vestimentaire, dans son look de cheveux aussi peut-être, en Mathieu. Il a bu beaucoup de whisky, je pense, pour chacune de ses photos, parce qu'il a l'air marteau complètement. Oui, exactement, parce que présentement, Mathieu et moi, on est sur le site internet de Davidson, et si vous allez dans la section photo, vous allez voir, je pense que soit qu'il vient de se lever, soit qu'il a abusé du whisky la veille, ou un mélange de tout ça. Ou il y avait vraiment beaucoup de vent durant la séance photo, un des deux. Mais bon, tout ça pour dire que c'est indie rock, oui, un peu. J'aime beaucoup le style country qui va sortir de là. Ça fait quand même plusieurs années qu'il joue et, comme je dis, il s'inspire de Bon Jovi. Alors, gardez ça en tête, Dan Davidson. Je pense que, en tout cas, moi, je vais essayer de leur faire jouer à la station ici. Ouais. C'est une pièce qui sonne vraiment été, je trouve. Ouais. Et c'est un gars de l'Alberta, si jamais vous vous demandiez. Je parlais d'américain aussi, country américain, parce que je pense que c'est un incontournable. Puis c'est surtout un artiste que j'aime beaucoup. J'ai découvert une de ses pièces qui me fait pas mal danser, je pense. Et c'est Frankie Ballard. Là, je pense que c'est comme ça qu'on dit, Frankie Ballard. Oh, ouais. De son prénom, Frank Robert Ballard IV. Oh, okay? Quatrième du nom, toi. Quatrième, c'est pas des jokes. Nom. C'est junior. Et voilà. Ouais. Il a 33 ans, il vient du Michigan et c'est un chanteur country américain. Tu sais, un bon vieux chanteur country américain. Ouais. Je trouve qu'il y a un peu le style à la James Dean. Si jamais vous cherchez sa photo sur Internet, vous allez voir, il y a un petit peu le style... Le style de coupe de cheveux à la James Dean, puis tout ça. Mais ça fait très bien. Oui, vraiment, c'est vraiment un style qui lui va très, très bien. Il a donc bien la mâchoire carrée, ce gars-là. C'est fou, hein? Il en dirait un super-héros, il pourrait jouer Superman n'importe quoi. Moi, un homme à mâchoire carrée. Bon. Ouh là là! C'est un peu quand disait quelque chose de même. Mais je suis désolée. il est vraiment signé avec Warner Bros. Record. Alors, de ce côté-là, ça bouge beaucoup du côté des États-Unis, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un style musical qu'on entend vraiment beaucoup ici dans... On peut dire qu'on est dans l'Est, hein? Oui, dans l'Est canadien. Ouais. Alors, j'ai vraiment le goût de vous le faire découvrir. Il est vraiment actif depuis les années 2007. Ça fait... Les années 2007, cette époque. Cette époque que j'aime tant, des années 2007. Il s'en passait-tu des choses à ce temps-là? Je sais, hein, Mathieu, t'étais jeune et naïf dans ce temps. Non, mais depuis 2007, là, il chante depuis 2007, oui. Ça fait vraiment quand même longtemps. Son dernier album est sorti en 2015 et si je ne m'abuse, j'essaye de le trouver, là, mais le nom de l'album est pas disponible, malheureusement, mais il y a plusieurs singles qui sont sortis de cet album-là qui s'appellent, par exemple, Young and Crazy, et la pièce que je vais vous faire entendre, c'est It All Started with a Beer, donc vous comprenez que lui aussi, dans son équation, il a pris l'alcool. Il est plus faible un peu, par contre, parce que de la bière, on s'entend ah, que... Ah, oui, exact. L'alcool, mais je parlais tout à l'heure d'équation, l'amour, la fille dans les chansons country est vraiment très, très importante, et c'est quelque chose que vous allez découvrir dans cette pièce-là. Frank Ballard avec It All Started with a Beer. Well, you had a Corona and I was drinking Bud Light. And that jukebox sang every song just right that night. Smoke. Looking back after two, you laughed at all my jokes. Tonight, let's raise them up to where we ended up. There's been with a beer. Oh, much money, but I covered them rounds. 'Cause a pretty girl like you makes a fella throw his money down. We weren't shooting no whiskey, but just shooting the shit. I paid the tab, we walked out the door. I remember thinking this is it, yeah, you were it. Well, there's been highs and lows, fast lane freeways and bumpy roads. We cursed the devil and prayed to heaven, lost it all and we rolled some sevens. There's been more smiles than there's been tears, been more good than bad years. Ain't it crazy, baby, how we got here? Oh, it all started with a beer. It all started with a beer, Frankie Ballard. Ouais. On le disait justement pendant que ça jouait à l'extérieur des ondes, Mathieu et moi, ça sonne vraiment très, très classique country américain. Pis pareil comme tout le monde. Exactement. Ouais. C'est un peu ce que je voulais démontrer. En fait, j'ai comme l'impression que le country canadien, oui, on reste dans les classiques. Par contre, on essaie peut-être de donner un son différent à notre country. Et c'est ce qui est vraiment très, très plaisant. On parlait aussi, Matt, je veux vraiment que tu en parles, c'est de l'humoriste qui riait. Oui, absolument. De Florida Georgia Line. Ah, que j'aime donc. Ben, c'est Ben Hoffman, un humoriste américain qui était un des chroniqueurs principaux de l'émission Infomania sur Current TV il y a quelques années. Il a aussi fait le Ben Show sur Comedy Central. Et là, il y a quelques années de ça, il a changé tous ses comptes sociaux pour Willow Walker Jr. Mm-hmm. Et c'était pour rire, c'est pour faire une parodie de tout ce qui est music country. Et puis là, ben, ça a commencé à pogner. Il y a un CD, il a été même sur le palmarès Billboard. Il s'est fait dépasser par Florida Georgia Line, dont on parlait à Aaron. Puis c'est ça, il est tout le temps en train de rire d'eux autres, puis c'est vraiment super drôle. C'est super, super vulgaire comme musique. Peut-être que je pourrais vous en glisser une pièce à un moment donné. Donc, Willow Walker Jr., son album s'appelle Redneck Shit. Ben oui. Évidemment. Et attention, le prochain, comment il s'appelle? Straight out of my mom's pussy. C'est terrible. C'est vraiment, vraiment vulgaire. C'est vraiment terrible, c'est très vulgaire, mais... C'est drôle. C'est quand même drôle parce qu'il est devenu connu en riant d'un autre Ben Country. Il n'y a plus personne qui l'appelle Ben Hoffman, c'est rendu vraiment Willow Walker Jr. Exact. Ouais. Ouais. Il y a un dernier, je pense que ça va être le dernier, oui, Ben, dont je voulais vous parler, Ben canadien, donc je vous ai présenté un Américain, je pense que c'est assez, là, hein? on comprend le style de country américain, mais il y en a un qui fait beaucoup parler aussi, mais c'est un duo de Canadiens country. On parle ici du duo composé de Mike Robbins, qui lui est de Toronto, et de Teria Green, qui elle est de Calgary, en Alberta. Ils ont commencé tout ça avec leur single qui s'appelait Anything At All, qui a vraiment été dans le top 1 du Canadian Hot 100 en 2013. Donc, ça fait vraiment juste depuis 2013 qu'ils font de la musique country. Par contre, c'est très, très, très bon. J'aime l'aspect aussi que t'as la voix de la fille, t'as la voix du gars. C'est un petit peu comme Lady Antebellum. Ouais. Tu sais, il y a une fille pour comme quatre gars dans le band. Mais là, vraiment, ils sont deux. Les deux chantent et vous allez voir, c'est super bon. C'est un petit peu plus pop country. On n'est pas dans le Taylor Swift non plus, là. Faut pas capoter, là. Mais c'est vraiment comme une croisée entre ce qui pogne vraiment gros ici au Canada et le bon vieux country américain, comme on pourrait le dire. Si jamais... Fade. Oui, c'est ça. Pas fade, mais vraiment... Sans saveur. Oui, c'est ça. On parle de deux personnes qui ont étudié vraiment la musique. D'ailleurs, je pense qu'elle a étudié en Alberta, justement, et lui à Toronto. Mais ils ont vraiment étudié ce qui était classique rock. Elle aussi a fait ça. Et par la suite, ils se sont tout simplement retrouvés à Nashville et ils ont décidé de créer ce band-là. Alors, pourquoi pas tout simplement l'écouter? Ça va être la pièce Mixtape. Vous allez voir, ça sonne un petit peu, j'ai goût de dire, un petit peu du Shania Twain. On s'inspire un peu peut-être de l'artiste canadienne qui a fait tant parler. Elle est rendue internationale, bien évidemment, mais là, on parle d'un duo qui, comme je le disais tout à l'heure, on fait la croisée du pop avec le country. Et c'est un peu comme ça que Shania Twain aussi était perçue. J'ai comme le goût de dire, tu sais, ses pièces... Très pop aussi, ouais. Ça, tu sais, ses pop sont quand même enjoués, tout ça. C'est pas... Oui, il y a des tunes classiques country américaines dans les albums de Shania Twain. Mais si vous écoutez Autumn Hill, vous allez reconnaître peut-être justement ce son-là de Shania Twain. Mathieu, est-ce que tu as la pièce? Parce que je te vois un petit peu... Oui! Oui, tu l'as. Alors, on va écouter Mixtape et par la suite, on se rejoint. Assemblage Rick. Voilà. J'ai baissé le volume de YouTube. Est-ce que c'est ça ici? Sourcif. 89 FM. In the hall, I handed it to you, then walked away. I kicked it off with Wonderwall, a little in your eyes, November rain. R.E.M. singing, everybody hurts, but nobody hurts like a first love gone. I sing along, I sing along, I sing along. Autumn Hill avec la pièce Mixtape. Mathieu, qu'est-ce que tu me disais pendant qu'on écoutait la touche? La voix de la fille me fait penser pour vrai à Reba McEntire. J'aime beaucoup, là, c'est pas un reproche, là. Je suis un grand fan de Reba. Mais ça fait, on dirait qu'elle sonne plus vieux que son âge, la fille. Je suspecte qu'elle soit jeune. C'est vrai, moi aussi, mais je parlais de beaucoup le son un peu comme Shania Twain. Ouais. Mais t'as raison, Reba McEntire aussi, c'est... Elle pousse vrai. Pas mal, oui. Oui, elle pousse, mais c'est bon. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai beaucoup aimé cette pièce-là. Je vous parlais tout à l'heure de Brett Kissel. Alors, je vais pas passer une demi-heure à parler de lui parce que, bien évidemment, je pense que c'est un des chanteurs country canadiens qu'on connaît le plus. Qui se démarque. Oui, qui se démarque quand même assez bien. Il est de l'Alberta canadien. Il y a plusieurs pièces de son dernier album qui bouge beaucoup dans les radios anglophones, que ce soit CBC puis tout ça. Je pense que ça joue aussi à Virgin. Écoute, Brett, c'est polyvalent comme très musique. Polyvalent. Mais il y en a une qui me rejoint quand même plus particulièrement et j'ai vraiment le goût de vous faire écouter Pick Me Up. Et je pense que c'est comme ça qu'on va terminer ma chronique, tout simplement en écoutant du Brett Kissel avec Pick Me Up. Fais-toi plaisir. Merci, Tania. Fais plaisir. Talk to strangers all night. I saw this pretty girl, yeah, she looked like you. Oh, but all I wanna do is call your number, say I want you so bad, tell you you're the best I ever had. Come pick me up. Notre Canadien qui nous a abandonnés pour le Tennessee. Ben voyons donc. Maudit traite. Ah ouais. Au retour de la pause, ce sera notre chronique alimentaire. Une grosse pointe d'allégresse. Restez là. C'est fou.

Je pense pas que ce soit santé. Non, je pense pas. Je pense pas. Genre, on va passer au travers du sac aujourd'hui. Mais ça ressemble énormément à. Mettons que t'achètes des petites croustilles, genre. Tu sais, avec le sac bleu pâle. Oui. Ça goûte un peu ça. J'aurais l'impression de manger des petites croustilles santé dans. T'sais, mais je suis pas certaine que ce soit super santé. C'est ça. Bref, moi, j'aime bien. J'aimerais essayer les autres saveurs. Je suis pas sûr que c'est le genre de collation que je mangerais fréquemment. Moi non plus. Mais j'en remangerais facilement. S'il y avait un bol de ça devant moi, je le viderais facilement. Donc, pouce en l'air pour moi. Toi? Ouais, ouais, pouce en l'air aussi. Pouce en l'air. Donc, les chicharrones mesquite sweet and mild barbecue. Donc, on n'a pas demandé à notre téléspectateur à quel endroit il s'était procuré ça. Je crois que ça vient probablement d'ailleurs parce que c'est pas écrit en français sur le sac. La première, ça vient des États-Unis. Oui. On va lui demander. On va pouvoir écrire ça sur la page Facebook. Aussitôt qu'on aura une réponse pour ça. Et on a d'ailleurs, grâce à ces téléspectateurs qui ont commenté la chronique, on va pouvoir se procurer d'autres produits dans les prochaines semaines. J'ai déjà commencé à me faire une petite liste et j'ai même acheté des produits déjà pour les prochaines chroniques. Donc, pour le reste de l'été, d'après moi, on devrait s'en sortir avec un produit par semaine. En y allant un par semaine, on devrait se rendre jusqu'à l'été. Voilà. Yeah! Merci à vous, chers téléspectateurs. Donc, parce que non, je refuse de vous appeler des auditeurs. Je refuse. Commençons maintenant une petite lignée de nouvelles de fast-food. Juste vous et moi pour l'instant, cher requin. On va commencer aujourd'hui avec... Enfin, on a pas mal de nouvelles. On a une bonne cinquantaine, donc on va essayer de passer à travers le plus possible. Commençons par les scientifiques qui découvrent un morceau de beurre qui date d'il y a 2000 ans. Oui, 2000 ans du beurre. J'imagine que ça ne vieillit pas très très bien, du beurre. Ayant déjà vu du beurre dans mon frigidaire que j'avais laissé là trop longtemps, je pense pas que ça doit être encore comestible. C'est une grosse boule. Une grosse boule de beurre. Aussitôt que la page va être chargée, je vais pouvoir commencer à vous dire ça. En fait, on pourrait peut-être dire qu'est-ce qui s'en vient plus tard dans la chronique à la place. On a des beignes au sushi, on va parler plus tard. On a aussi des cocktails au macaroni au fromage. On va aussi avoir un rafraîchisseur d'air au Whopper. On va avoir du fin à l'herbe à chat pour vos chats. On va avoir le fait de porter de la viande sur votre dos, qui est une nouvelle mode. On va aussi avoir le truc psychologique derrière les sacs de croustilles. On va avoir un appareil portatif qui détermine si votre nourriture est sans gluten. Donc, sur le temps, on va se rendre jusqu'à la fin de cette chronique-là avec un paquet de sujets des plus intéressants. Mais comme je disais, c'est une brique de 22 livres qui date de 2000 ans. C'est du bug butter. Les scientifiques ont récemment découvert ça en Irlande. Évidemment, l'article nous dit que ça pourrait être aussi une crotte de dinosaure. On n'a aucune idée si c'est à ça que ça ressemble. Mais apparemment, que c'est bien du beurre. Le musée dit donc que les bugs étaient des endroits merveilleux où mettre des produits laitiers à cause de leur faible température, leur faible oxygène et leur environnement à teneur élevée en acidité. Donc le beurre aurait peut-être été mis dans le bug comme offrande religieuse aux esprits. C'était considéré comme un article luxueux et c'était des fois utilisé comme une forme de paiement. Selon le site de Nouvelle-Irlandaise Breaking News, le bug butter sent comme du fromage très très très fort. La substance laitière est maintenant en la possession du Musée national de l'Irlande pour sa conservation et pour son étude. Andy Halpin du National Museum nous dit que théoriquement ce serait toujours mangeable, mais il dit qu'il ne le conseillerait pas. D'accord, j'avoue que quelqu'un comme... c'est quoi les émissions de... C'est quoi Anthony Bourdain qui fait ça? Qui goûte des trucs de différents pays? Ou en tout cas, il y en a un comme un genre de kamikaze alimentaire qui mange des choses vraiment bizarres. Sûrement que Tania serait ça si elle était là. Genre, si on lui donnait 3 secondes pour être non, là. Non, je sais pas, j'en ai aucune idée. Le gars qui mange des trucs bizarres, freak, là... nourriture bizarre, weird food, je me rappelle pas. Mais son c'est nom. Pas les gars de. Attends, là, je vais chercher. Nourriture bizarre. Il y a un gars à genre Zest, je sais pas trop quoi, là. Ah, vous savez tous de quoi Zest. Je parle. Ou à, je sais plus, ils diffusent ça des émissions là, de choses étranges. En tout cas, bon, c'est de quoi je parle. Ensuite, des fois, là, quand j'ai pas mes références. La télé gourmande, tu veux dire. Je sais pas, je sais pas. Bizarre appétit. Bizarre appétit! Avec The Zimmer, Zimmer, Jerk, Zimmer, Jerk. J'y arrive. Il y a un Z dans son nom. Ah, j'ai pas son nom. Andrew Zimmer. Zimmer. Il y a un N à la fin. Ensuite. Et voilà. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Je l'avais comme sur le bout de la langue de quelqu'un d'autre, je pense. Oui. Cocktail au macaroni ou fromage. Oh! Quelqu'un a combiné deux indulgences que bien des gens aiment, les pâtes et l'alcool, dans ce cocktail macaroni au fromage selon fooddiggity.com. Ça a l'air absolument dégueulasse. Donc, l'été est là. On a besoin d'alcool. Oui. On a aussi besoin de remplir nos besoins de jeunes enfants de 5 ans à l'intérieur de nous-mêmes. Mm-hmm. Donc, le site Above Average a travaillé sur un cocktail approprié pour l'été. C'est le Macaroni and Cheese Cocktails qui devrait... Pardonnez-moi. Ça fait roter un peu, c'est... Ouais, Chicharrones. Donc, c'est ça. Il y a le Mactini, le Mac Moza, le Saucy Sangria et plus. Donc, allez voir les recettes. Le Mactini, c'est pas les. Ça a vraiment pas l'air bon, là. Ça a l'air d'un. Mais tu sais, en tant que tel, ça goûte pas le macaroni au fromage, sûrement, j'imagine. Ben, il y a des nouilles pareilles dedans, là. Mais pourquoi vous mettez pas la recette? Je sais pas, parce qu'ils sont pas fins, ça leur tentait pas qu'on sache comment faire, mais honnêtement, si vous allez voir les photos, ça a aucunement l'air bon. Ça fait 4 liens sur lesquels je clique pour aller d'un site à un autre, là, et je crois avoir réussi à trouver la recette. Okay? Bon, vas-y. Donc, le Mactini, hein? C'est un oui, je l'ai. Donc, c'est du gin glacé froid, un splash de sweet vermouth, du vermouth sucré, et une boîte de Kraft Macaroni and Cheese. Vous brassez ça et vous versez dans un verre avec de la glace. C'est donc vraiment du macaroni au fromage, la vraie poudre et le vrai macaroni, mais mélangé avec le vermouth et du gin froid, ça va donner apparemment un bon goût. Mais bon. Ensuite, la nouvelle mode est au Beng Sushi. Ça existe dans la vraie vie. Beng Sushi. C'est super beau. C'est donc des beignes qui ressemblent à des sushis. C'est fait par un Instagrammer nommé So Beautifully Raw, qui se spécialise dans la nourriture végétalienne crue. Donc, c'est ça. Évidemment, c'est clairement des sushis. C'est des sushis en forme de beignes. Ouais, je pense que c'est et ça. Et non pas des beignes en forme de sushis. Mm. C'est ça. Et non pas des beignes avec des choses qui ressemblent à du sushi pour faire des formes de beignes. Compliqué, mais quand même, les ingrédients sont tous ça. T'as l'avocat, t'as les petits grains de. C'est quoi? C'est du pavot, ça? C'est quoi? Du gingembre. Non, je pense pas. Non, du riz. Ça doit être du riz brun. Peut-être du riz brun. Ah, peut-être des graines de pavot. Peut-être des graines de chia. Pas de chia, de. C'est quoi le grain dont tout le monde parle, le quinoa? Je sais pas. Non, c'est des graines de pavot. Graines de pavot. J'avais raison de le départ. Ensuite, c'est un homme. Une vidéo d'un fanatique de la vapoteuse. Oui. Hein? C'est Russell Hawkins qui a décidé de combiner ses deux passions. Il y a un amour pour la vapoteuse et un amour pour les Red Hot Chili Peppers. OK. Donc, il a fait une vidéo YouTube et dans sa vidéo, il va vapoter, renifler et frotter des poivres. Excuse-moi. J'ai dit Red Hot Chili Peppers, hein, mais je parlais des piments forts. Oui. Chili. Voilà. Donc, on recommence. Il a décidé de frotter de ces piments-là de Carolina Reaper Chili Pepper dans ses yeux. Hein? OK. Donc, le Carolina Reaper, présentement, c'est le piment chili le plus piquant au monde. Il est à 2 200 000 sur l'unité de Scoville. Alors que, en moyenne, M. Russell utilise du 1 500 000. Donc, le Carolina Reaper qui a été utilisé là-dedans est vraiment très, très piquant. Donc, on va aller regarder la petite vidéo. Oh boy! De lui en train de vapoter. Donc, il est en train de. Là, sa vidéo est beaucoup trop longue. On va avancer un petit peu. 8 minutes 15 pour nous prouver qu'il est capable de faire n'importe quoi avec des. C'est ça. Donc, on le voit prendre une petite bouteille avec une genre de pipette au bout. Là, pour mettre goutte par goutte sur sa vapoteuse, j'imagine, des gouttes de ce piment-là. C'est vraiment très, très, très, très, très long. Il va allumer sa vapoteuse ensuite. Là, on le voit avec sa fumée. On voit que le gars a l'air tout à fait sain d'esprit. Il fait juste un petit peu prendre de fumée dans sa bouche. Puis déjà, il capote. Il passe ça proche de son nez, il se dit « Je regrette de faire ce que je fais. » Je pense même qu'on pourrait l'écouter avec du son, parce qu'il doit avoir un accent américain, tout ce qu'il y a de plus badass. Eh boy! Je m'attendais tellement à ça. Je suis sûr qu'il vient du Texas. Tellement sain. Eh boy. Ah, il n'y a pas dedans? Il va le vapoter pour vrai, là. Oh, il souffle, il aspire. Oh boy. Mais là, c'est dégoûtant, il l'a même pas encore vapoté. Donc, on rappelle qu'il est en train de vapoter du liquide de piment fort Carolina Reaper. Et après ça, il finit par en avoir dans les yeux. Ça sert absolument à rien, mais pour vrai, il se frotte les yeux. Tu sais, je veux dire, déjà que il a pas l'air tout à fait là, mentalement. OK. Oh mon Dieu, il fait pour siffler. Vrai? Ben oui, il va mais non, mais là, franchement. Oui. Oh my God! Ah. La vidéo est sur assemblagerequis.com. Je vous conseille de ne pas aller la voir. Il y en a cette explication. Il s'en met dans l'œil pour vrai. Il pogne dans l'œil. Puis il se sac dans l'œil. Mais non. Volontairement. Hey, c'est dégoûtant. Oh my God. C'est un son vraiment désagréable. Est-ce que le gars est allé à l'hôpital puis le système, genre... Est-ce que... Il a peut-être brûlé son système à l'intérieur. En tout cas... OK. Ouais, oh. On a ça pendant 8 minutes. Ah, que ça me trouble. Eh ben. On continue avec le rafraîchisseur d'air pour la voiture. Whopper Refreshener. Hein? Flame Grill Your Ride. Donc, griller votre balade sur le grill, comme on dit. C'est Burger King au Brésil qui nous amène les Whopper Air Fresheners. Rafraîchisseurs d'air qui font que votre voiture sent comme les Whopper. Pourquoi pas? Je pense que ça pourrait aider pour ceux qui veulent se rendre chez Burger King pour se mettre dans l'ambiance. C'est un peu comme quand tu vas à un spectacle de musique, tu mets la musique du groupe dans la voiture pour te mettre dans le bain. Ouais. Donc, tu pourrais faire la même chose avec le Whopper. Ensuite, c'est un gars qui va mettre des cheeseburgers et des frites dans un mélangeur et va évidemment boire ce que ça donne. OK. Hein, pourquoi pas? Les gens... Ah, ouais. Pardon. Donc, la mode sur Internet de décapiter des affaires, de passer des affaires au blender, tu sais, will it blend, ouais, etc. Faire des juices, là. Faire des juices aussi, c'est très populaire. Donc, pourquoi ne pas mélanger ces modes-là ensemble avec, c'est en fait, plusieurs cheeseburgers McDonald's, des frites et un Coke, et ils boivent le résultat. Non. Oui. Donc, allons voir. Ça, c'est un petit 1 minute 44. Je pense qu'ici, ils savent un petit peu plus comment la génération YouTube manque... de temps pour voir des vidéos de 8 minutes quelques. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cheeseburgers. Une grosse frite ainsi que du restant de frites qu'il met dans son gros sac. Ouais. Donc c'est des cheeseburgers qui sont plus traditionnels. Il déchire en deux pour les mettre dans son juicer, son extracteur à jus. Et passe dans le sucre. Les frites aussi, ouais, c'est ça. Avec c'est son petit bâton de plastique pour peser. Je sais pas si ça annule la garantie, mais ça oh fait my God. Une lisière. Ça fait une lisière de steak. Pas de steak, de bœuf. Et c'est au ralenti, tout ça. Et après ça, il a pas juste de le mettre dans l'extracteur. Il prend l'extracteur à jus, il le met dans le blender parce que de le boire directement de même, ça se ferait pas. Parce que tu peux pas extraire le jus d'un hamburger. Non. Ça fait juste une galette. Et après ça, ben ça passe de l'autre bord dans le verre. Oh. On dirait vraiment un déchet dans un égout. Ouais, et c'est la même couleur en plus. Il va pas le boire. Oui, et le gars est un genre de top modèle de Abercrombie & Fitch, là. Puis il y a une poubelle, hein, pour être certain qu'il puisse vomir dedans. C'est clair que ça va finir par sortir, là. Il boit le verre au complet. OK, il boit le verre au complet, mais de façon assez pressée, merci, là. D'un coup, là. Glop, glop, glop. J'ai enlevé le son, lui aussi, je m'excuse. OK, Oh! Juste la réaction. Oh my God. Il a pas vomi, par contre. Oh. Non, il a pas vomi. Il a craché le restant. Ouais. C'est dégoûtant. Vraiment? Dégoûtant. Maintenant, si vous voulez vous faire accompagner par votre chat dans vos aventures en train de déprimer devant Netflix, peut-être une fin de semaine qui s'en vient. Notre chien, ça compte-tu? Oui, ça... Ouais. Comment s'appelle ton chien? Bowie. Bowie, tu le dis à chaque semaine. Puis... Mais oui. Donc, c'est un vin basé sur l'herbe à chat. Je sais pas si ton chien aime l'herbe à chat, par contre... Pour que votre chat puisse se saouler lui aussi. Ah, c'est Apollo Creek qui vend du vin pour les chats. Ça vient en deux saveurs. Moscato. C'est quoi? Voyons. C'est quoi le nom de l'alcool? Ah! C'est quoi le nom de l'alcool? Mosquito. Mosquito? Mais ça, mojito. C'est ça? Un mojito, c'est un cocktail. Oui. OK. Mais là, oui. Ça s'appelle Moscato. Et le Pinot Miao, là, du Pinot Noir, hein? Ça commence à 5$ pour une seule portion, ça monte après ça. Le vino est à base donc d'herbe à chat. Il ne contient pas l'alcool, une chance. Donc ce qui va saouler le chat, c'est vraiment l'herbe à chat. Tu sais, les chats aiment l'herbe à chat, ça les fait devenir un petit peu foufou, mais c'est pas comme l'alcool. Ouais. C'est pas comme saouler ou faire fumer votre chat. Ensuite, continuons avec Krispy Kreme qui révèle un beignet à saveur de Nutella dans un guichet automatique de Londres. Parce que là, juste des beignets au Nutella, on aurait dit ouais, mais Tim Hortons le fait depuis toujours. Ça. Ouais. Donc, une nouvelle façon de prendre vos beignes sur la route, sur le pouce à Londres. Krispy Kreme vient de présenter un guichet automatique pour montrer donc le nouveau beignet Naughty Chocolata qui est rempli de Nutella. Pour en acheter un, les clients vont devoir taper la machine avec une carte de crédit qui fonctionne avec la machine. Sinon, avec un iPhone avec Apple Pay, un appareil Android avec Android Pay. Et va sortir un beignet délicieux. Le Naughty Chocolata va se vendre... Deux livres sterling ou 2,88$ américains. L'argent va aller au Teenage Cancer Trust, une charité qui améliore la vie des jeunes avec le cancer au Royaume-Uni. Malheureusement, les amoureux de Bang vont devoir attendre quelques semaines avant de pouvoir savourer les... Ils vont devoir attendre encore parce que ça a fermé le 21 mai. Le guichet automatique était situé au 229 High Holborn à Londres. WC1V7DA pour le code postal. Ensuite, toujours à Londres, un homme transforme une vieille cabine téléphonique en boutique de salade pop-up. Une boutique temporaire, donc, de salade. Si vous aimez votre dîner rapide, léger, servi avec un petit peu de quelque chose de spécial, c'est-à-dire un restaurant spécial, il faut aller au Spire's Salads. C'est donc une boutique de salade dans une vieille cabine téléphonique de Londres. Tu te rappelles les cabines rouges, là, oui. Super vintage? À Bloomsbury Square, un parc au centre de Londres. Ça a officiellement été lancé le 4 mai. Pour la saison justement des salades. L'extérieur, ça ressemble à une cabine téléphonique rouge normale, mais à l'intérieur, c'est équipé de mini frigos, d'électricité, de plusieurs tablettes avec tout plein de plats comme du saumon, du roast beef, 5 variétés de salades. Ben Spire, qui est propriétaire de cette boutique-là, sert de la nourriture les mardis ainsi que les mercredis de 11h30 du matin à 14h30. Ces salades sont faites de produits biologiques locaux, de fruits et légumes saisonniers. Ça peut coûter entre 5$ et 8$50. Sur le menu d'une semaine type, par exemple, il pourrait y avoir une salade au poulet rôti, servie avec du sumac, de la mélasse de grenade, de chili et de graines de sésame. Miam! La boutique est à l'intérieur, voyons, à l'intérieur d'une cabine téléphonique, ça peut avoir d'une gimmick, mais en fait, ça fait partie de quelque chose qui est fait pour donner une opportunité d'emploi et donner une nouvelle vie aux cabines téléphoniques de Londres parce qu'elles sont de moins en moins utilisées. Il y en a de moins en moins à travers les années grâce aux téléphones cellulaires, évidemment. En 2002, NPR nous disait qu'il y avait 92 000 cabines téléphoniques en Angleterre, alors qu'en 2014, on était rendu à 48 000 et plusieurs n'étaient plus utilisées dans celles qui restaient. C'est pour ça qu'en 2014, deux hommes d'affaires de Brighton, Eddie Ottewell et Steve Beacon, ont commencé à... On démarrait l'entreprise de communication BT pour lancer la compagnie Red Kiosk Company. Donc, leur entreprise transforme les vieilles cabines téléphoniques en bureaux pour les entrepreneurs en devenir. Présentement, il y a plus d'une douzaine de cabines téléphoniques réutilisées partout en Angleterre qui vendent du café, de la crème glacée et d'autres articles. Et maintenant, grâce à Spire, qui a lancé son entreprise en 2011, il y a aussi une cabine téléphonique qui vend de la salade. J'adore l'idée, je trouve ça vraiment très bien. On encourage ça. Est-ce que t'es allé chez Salade Salade, le nouveau restaurant de salade à côté du Pita Pit? J'ai pas encore été. Est-ce que toi, tu y as été? Non. Ah. Ouais. Mais non, j'ai pas encore eu le cadeau. Ouais, c'est ça. Non. Oh, ouais, non, c'est vraiment parce qu'on n'est pas les radios commerciales qui sont partenaires pour le lancement de chaque restaurant. Mais j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. J'ai vraiment le goût de l'essayer, par exemple. J'ai hâte de voir si les salades sont vraiment de bon goût à un prix assez raisonnable. Est-ce que ça ressemble? Est-ce que tu t'es renseigné sur le concept? Est-ce que c'est un peu comme Pita Pit? Est-ce que tu dois choisir tes affaires par an? Aucune idée. J'ai comme le goût de googler la chose. Ouais, exact. On s'en reparlera. Pizza Hut, maintenant, qui livre des pizzas au sommet du mont Kilimanjaro. Hein? Comment goûte une pizza à 19 341 pieds dans les airs? Grâce à une cascade qui a brisé des records. Chez Pizza Hut en Afrique, un groupe en Tanzanie a trouvé la réponse, selon CNN Money. La pizza au pepperoni avec extra fromage a été livrée au sommet du mont Kilimanjaro, le plus haut point en Afrique, après un voyage incluant avion, voiture et une équipe de randonneurs professionnels rendus livreurs de pizza, devenus vendeurs de pizza extrême. Donc la première étape a commencé le 5 mai chez Pizza Hut au Dar es Salaam en Tanzanie. L'ouverture de cette localisation-là du restaurant marquait le lancement de la chaîne dans 100 pays. Voilà. À partir de là, la pizza est partie en avion de l'aéroport local Kilimanjaro International à la base de la montagne, ensuite livrée par 5 guides professionnels à un camp à 16 000 pieds de hauteur. Les attendants étaient donc le gérant général de Pizza Hut Africa, Randall Blackford, et deux de ses collègues. Ensemble, ils ont fini le chemin jusqu'au sommet. Ils ont donc brisé le record Guinness pour la plus haute pizza livrée sur la Terre. En plus de prendre un nouveau record, ça a aussi aidé à ramasser de l'argent pour le Msasani Primary School à Dar es Salaam. Et pour garder la pizza bien fraîche jusqu'à sa livraison, elle a été livrée dans un pack qui contient la chaleur. Donc c'était un pack à batterie. Mm-hmm. Et ça a gardé la chaleur de la pizza à l'intérieur de tout ça. Et pour savoir comment ça goûtait, rendu à la fin de la livraison qui a duré 4 jours en passant, ça dit « Rien ne goûte aussi bien qu'une pizza qui a été livrée après une randonnée la nuit. » Oh! Ouais. Oui, Mathieu, c'est bien ça. On peut faire notre propre combinaison de salades, sinon il y a un menu déjà existant. Ben, c'est pareil comme Pita Pit. C'est ce qu'on veut, en fait. J'imagine que c'est même... Je sais pas, est-ce que c'est le même propriétaire? Est-ce que c'était qui leur propriétaire sur le site? Non, malheureusement, non. Je vois même pas encore qu'ils sont installés ici à Trois-Rivières. Ah. Donc, après moi, le concept est pas encore mis à jour sur Internet. Parce que je me rappelle, c'était... c'était pas le même propriétaire, mais je me rappelle du restaurant de pizza qu'il y avait à place du Tao Cresto, là, à côté du Subway, proche du Cégep. Oh boy. Il y avait un restaurant de pizza avant... Et puis c'était « Faites votre propre pizza. Ah, » Choisissez d'accord. ta pâte, choisissez tes légumes, choisissez ta sauce, etc. J'aime ce concept-là, je trouve ça vraiment cool. Mais bon, ça dure jamais à Trois-Rivières, donc hein, profitez-en pendant que c'est là. C'est vrai, hein? Oui. Ensuite, mais c'est ouvert, là c'est ouvert? Salade est ouvert. OK. Pour la pub, vous nous devez 3 000 $. Oui, c'est ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, porter de la viande sur votre dos est une nouvelle mode, Tintin. Ah ouais? Non, porter de la viande rouge. Hein? Porter de la viande. De la viande. Donc, c'est un magasin japonais nommé Village Vanguard qui offre de grands sacs à dos qui ressemblent à des morceaux de steak. Et contrairement aux robes de Lady Gaga, hein, oui. C'est pratique tout en étant amusant à regarder. C'est fabriqué de velours. Le sac à 20 $ a des bandoulières ajustables, une poche à l'intérieur, parfait pour mettre un petit peu de sauce, peut-être piquante, pour manger votre prochain steak. Donc, les sacs à dos en steak ne sont pas les seules nourritures ou sacs en forme de nourriture à être vendus. Selon Yum Yum, le magasin de Cartoon Network va bientôt sortir le sac à dos au cheeseburger, qui ressemble à celui dans le dessin animé Steven Universe. On peut en précommander un pour 55 $. Ça commence le 5 juillet. Et ces options-là sont trop bœuf pour vous. Il y a Herschel Supply Company qui vend leur propre sac à dos de viande avec lui des bandes de bacon et des œufs frits. Maintenant, une compagnie utilise la chimie pour nettoyer et recycler les coquilles d'œufs. Probablement que vous pensez que vous débarrasser de vos coquilles d'œufs en les jetant dans une poubelle était une bonne chose. Hein? Mais imaginez si vous devez vous débarrasser de 1,5 million de coquilles d'œufs par semaine. Selon des économistes, c'est la situation pour Pankaj Pancholi. Pancholi est le fondateur de Just Egg, une compagnie d'œufs bouillis basée en Angleterre. A dépensé 64 000 $ par année pour réussir à enterrer correctement ses coquilles d'œufs dans un terrain, un dépotoir. Donc, il s'est trouvé un petit plan pour économiser de l'argent. Pancholi a commencé en travaillant avec un département de chimie à l'université de Leicester pour trouver une façon de transformer ces coquilles-là pour qu'elles soient réutilisables. Donc, pour commencer, lui et les chimistes ont développé une méthode pour nettoyer les coquilles parce que la façon que les machines fonctionnent chez Just Egg, des morceaux d'œufs sont souvent laissés dans la coquille lorsqu'on pèle l'œuf. Donc, il fallait nettoyer en utilisant un tapis convoyeur pour livrer les coquilles dans un tank où ils rencontraient de l'eau et des lames qui faisaient des rotations. Donc, on coupait, on hachait, si on veut, les coquilles. On les lavait dans un solvant avant de les sécher. Et pendant cette période-là, l'eau et le solvant étaient recyclés. Après le séchage, les anciennes coquilles d'œufs étaient écrapouties en poudre qu'on pouvait ajouter à du plastique pour faire que le plastique soit plus durable. Mais c'est pas la seule utilisation du matériau. Donc, les scientifiques disent que les flocons de coquilles recyclées pourraient avoir une application médicale dans le futur. Par exemple, sur les plaies. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais ça dit wound dressing. Okay. Donc, comme revêtement, si on veut, de plaies. Sur un niveau plus individuel, changer les coquilles d'œufs en poudre de coquilles n'est probablement pas facilement faisable parce que on dit que les composter pendant le nettoyage du déjeuner pourrait être une meilleure alternative plus facile. Donc, mettre ça au compost en même temps qu'on fait le ménage après avoir déjeuné. IKEA propose un espace culinaire pop-up à Toronto maintenant. Dans le cadre de la campagne « Tout commence par la bouffe », IKEA Canada dévoile un espace ouvert au public aménagé pour repenser la manière d'aborder la nourriture et faire vivre une expérience culinaire différente. L'expérience accueillait le public du 13 au 26 mai dernier sur la rue King West. Plus de 50 produits IKEA ont été vendus, notamment des accessoires pour la maison et des produits alimentaires. Chaque pièce visait à surprendre les clients par rapport à ce qu'ils connaissent des magasins d'alimentation et d'IKEA. On y proposait aussi un gigantesque livre de recettes interactifs et des présentations vertes visant à donner envie de cultiver des produits frais à la maison. Des ateliers de dégustation étaient proposés chaque jour de midi à 14h et 16h à 18h. Les aspirants chefs du collège George Brown donnaient des cours tous les samedis de 13h à 17h. Une cuisine IKEA était exposée et deux visionneuses Google Cardboard permettaient, grâce à la réalité virtuelle, de découvrir quatre cuisines différentes qui dévoilaient plusieurs modèles de portes, placards, luminaires et vieilles solutions de rangement. Évidemment, il faut quand même faire de la pub pour IKEA. Mm-hmm. La directrice nationale adjointe du marketing d'IKEA Canada expliquait que l'expérience faisait partie d'une campagne 360 construite autour de l'idée que les plaisirs de la table nous réunissent. Dans cette lignée, ils souhaitaient rendre accessible, au plus grand nombre le plaisir de cuisiner et de partager un bon repas. IKEA a travaillé avec SDI Marketing pour le développement créatif de l'événement et sa gestion, Leo Burnett pour la campagne de communication externe, Jungle Media pour la stratégie média et la planification, ainsi que Citoyen Optimum pour les relations publiques. En plus de l'expérience, des boulettes de viande et des boulettes végétariennes étaient servies dans les rues de Toronto. Plusieurs espaces étaient aussi décorés, notamment des voitures de tramway et des abribus. La ville était également dotée de fresques murales et d'œuvres urbaines dessinées à la craie. Allez voir les photos sur assemblagerequis.com. Il y avait aussi un hashtag #startfooding. Voilà pour ce bloc d'une grosse pointe d'adresse. Pause et on revient avec une deuxième partie à Assemblage Requis. Ouais! Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Assemblage Requis, émission estivale en pièces détachées. On est pour la semaine du 20 juin 2016 et les Tania Baudin. Avec Mathieu Blanc. Et dans quelques instants, une deuxième partie d'une grosse pointe en dresse. On va faire un petit 10 minutes ensemble de sprint final de Noël. Mais avant ça, une pièce de Plants and Animals sur le Palmarès anglophone. Et... No one's, no worries gonna find et us. Voilà. Voilà. Assemblage Requis, sur ça. 89 FM. We'll be right back. She's Gonna Find Us par Plants and Animals à Assemblage Requis. On était en plein milieu d'une grosse pointe tendresse. Retournons-y avec l'intro parce qu'on aime ça, l'intro. En tout cas, les oiseaux aiment ça. Les petits oiseaux, ils capotent bien raide avec un trou d'une grosse pointe d'allresse. Oui. C'est la chronique dans laquelle on goûte à des produits du tiroir. On a goûté tantôt à des couettes de porc. Chicharrones de la compagnie Hog's Heaven. On remercie encore notre téléspectateur fidèle pour sa collaboration. Alors, on était rendu dans les nouvelles. Donc, le truc psychologique derrière les sacs de croustilles. Ah ouais? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que tu préfères la poudre orange des Cheetos? Peut-être que t'aimes ça garder ça vraiment comme santé en mangeant les bretzels? Ah, moi, je suis du style pretzel. Ah oui, moi, tu vois, les bretzels, je trouve ça un petit peu trop sec. Ah ouais? À mon avis. Mais bon, donc avec à l'exception des Pringles, en fait, presque toutes les croustilles viennent dans un sac de polymère qui fait cric-crac quand tu y touches, hein? Mm-hmm. Donc, la chose qu'on pourrait se dire, la chose principale que les gens disent, c'est « Ah, le sac n'est rempli qu'à moitié. » Mais ça, c'est par exprès. On sait c'est par exprès parce que c'est rempli de nitrogène pour créer un coussin d'air qui aide à protéger les croustilles dans les boîtes pendant le transport. Mais l'autre partie du design du sac qui est complètement intentionnel, c'est le bruit que ça fait. Ah ouais? Hein? Donc, la recherche nous apprend que le bruit, genre de craquement, si on veut, le croustillant produit par le polymère, augmente l'expérience sensorielle de l'utilisateur, faisant donc que la personne qui mange va penser que les croustilles sont plus croustillantes, plus que croquantes et plus fraîches que lorsqu'elles ne sont pas servies dans un sac. Peut-être avez-vous déjà remarqué que dans un bol, ouais, il y avait l'air un petit peu moins croustillant. C'est pas parce qu'ils sont là depuis plus longtemps, c'est que l'illusion n'est pas là du sac quand tu prends ta main dans ton sac. Tu sais. Donc, il y a aussi un autre point par rapport à cet effet-là, c'est que Frito-Lay a accidentellement découvert ça en 2010. Je sais pas si tu te souviens de ça, tu me diras si tu t'en souviens. En 2010, la compagnie avait présenté un nouveau sac compostable pour les Sun Chips. Et... ça a fait le tour de Facebook. Ouais, peut-être pas Facebook chose à l'époque, mais tout le monde disait que Crème, c'est le sac le plus bruyant au monde. Mm-hmm. C'est un sac recyclable, compostable. Ça faisait un bruit incroyable. Si vous allez encore sur YouTube de nos jours, il y a des vidéos de ça. C'était un petit peu insupportable. Donc, les clients ont rapidement compris que le sac était fait d'un acide polylactique à base de maïs. Il faisait plus de bruit que l'ancienne version. En fait, beaucoup, beaucoup plus de bruit. Le sac a été testé à 95 décibels. C'est environ le même bruit qu'une motocyclette. Mais ce paquet-là a même inspiré... le paquet Facebook a donc inspiré une communauté Facebook nommée... je m'excuse, je t'entends pas, il y a un sac de Sun Chips dans le coin. Oh. Hein, qui a été aimé par plus de 40 000 personnes. Dû à la réponse de la clientèle, le sac a été changé encore en 2011. Je me demande si je peux trouver le sac Sun Chips... Voyons, pas Sun Chips... Ça va mal écrire de côté. Compostable bag. Voilà. Tiens, on va... Ah oui, c'est ça, exactement. Mais oui, ça me dit quelque chose maintenant. On écoute ça. C'est vraiment beaucoup de bruit. Hey boy, hein? Vraiment énormément de bruit. Je peux comprendre que les gens n'aient pas aimé ça, mais en même temps, c'est pour du compost. En tant que tel, ton sac de Sun Chips, là, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup dedans, pas mal sûr que tu vas le manger d'une seule shot, donc mets-le dans un bol. T'sais? Ouais. Moi, j'aurais préféré qu'il garde le sac. Bien. Maintenant, Spotted, c'est un produit qui a été vu aux États-Unis récemment. C'est Red Bull, version été 2016, Kiwi Twist. OK. Tu connais les Red Bull Edition avec la canette rose, oui. Blanche? Ben, celle-là, je l'ai vue. C'est où j'ai vu ça? J'ai vu ça au Grand Prix de Montréal. Bon, ben donc, ça s'en vient ici aussi. Donc, c'est le Red Bull 2016 Summer Edition Kiwi Twist. J'aimerais ça l'essayer au kiwi. Tout est bon avec du kiwi, je trouve. Mm. Un autre Spotted, c'est des gommes où vous pouvez produire votre propre saveur. Ah! C'est Project 7, leur slogan « Live, Give, Smile ». T'as 12 morceaux de gomme au thé sucré et t'as 12 morceaux de gomme à la limonade. Et tu peux faire ton propre mélange. Huh. Quelle drôle d'idée, tu pourrais faire un half and half thé sucré et limonade. Ça fait vraiment half and half limonade, thé glacé, c'est connu. Ou prendre juste 2 morceaux de limonade, 2 morceaux de thé glacé. C'est une drôle d'idée. Mais quand même. Ensuite, c'est Sugar Rush. Ça ne fonctionne pas au Canada, je l'ai essayé, mais peut-être qu'un jour ça fonctionnera. C'est une façon de savoir comment il y a de sucre dans votre produit. OK. Donc, on accepte que le sucre, c'est mauvais pour nous, le sucre qui n'est pas naturel. le sucre process qu'on ajoute à la nourriture pour que ça goûte meilleur. Donc Sugar Rush vous permet de savoir comment le sucre dans ce que vous mangez en scannant le code UPC. Ça montre le nombre de cuillères à thé ou même de cuillères à table ajoutées depuis dans le produit et le ratio de sucre naturel versus les sucres ajoutés. Ça fonctionne de n'importe où, on peut avoir Internet. Évidemment, comme je l'ai dit tantôt, les produits canadiens, ça ne fonctionne pas, je l'ai essayé. Mais ça s'appelle Sugar Rush si vous allez en voyage peut-être quelque part. Donc, instruction, c'est simple, vous scannez le code barre de produit et ça vous montre le nombre de cuillères. Comme par exemple, ici, on a une sauce aux pommes Mott's à la cannelle. Ça contient 3 cuillerées de sucre ajouté et 3 cuillerées de sucre naturel. Voilà. Les sucres naturels, c'est des 3 cuillères vertes et les sucres ajoutés, des cuillères blanches. Ah, d'accord. Quand même facile à comprendre. Mais c'est pas ici au Canada. C'est pas au Canada. Triste. Ouais. Un autre maintenant, un autre appareil portatif pour vous aider à déterminer si votre nourriture est sans gluten. Oui. Si vous souffrez d'une allergie mortelle peut-être au gluten, il y a une compagnie basée à San Francisco, Six Sensor Labs, qui pourrait vous aider avec un nouvel appareil nommé Nima. Nima est un appareil discret portatif qui peut déterminer le taux de gluten dans la nourriture en plaçant un petit morceau de l'aliment dans une capsule jetable et en insérant la capsule dans le sensor de l'aliment. En quelques minutes, l'appareil va vous afficher soit un smiley face indiquant que c'est sans gluten ou un petit visage vraiment triste qui signale une présence de protéines de gluten. Oh oh. Ouais. L'appareil devrait être à 99,5% précis, mais n'est pas approuvé par la Food and Drug Administration. Pour l'instant, c'est un outil pour avoir plus d'informations sur votre nourriture et non pas un outil pour vous sauver la vie. Ah, voilà. C'est dit, hein? Ça peut seulement détecter le gluten dans des portions de nourriture qui sont testées et non pas dans un repas au complet, ce qui pourrait vous donner de faux négatifs. Il y a plein d'autres détails à aller voir. Présentement, il y a un kit de démarrage qui est présentement disponible en précommande avec une date de sortie de mi-2016 qui est prévue. McDonald's change ses napperons en petite station de production de musique connectée à votre iPhone. En fait, on en a déjà parlé, c'est bien. Je m'excuse, je vais sauter ce qu'on a déjà dit. D'habitude, j'y dirais quand même. Aux États-Unis, maintenant, on a trop de fromage. Ouais. Les amateurs de fromage, les turophiles qu'on appelle. Les turophiles. Il y a plus de fromage aux États-Unis qu'il y en a eu depuis les 30 dernières années. OK. Grâce à une importation de fromage importante de l'Union européenne et un pic dans la production laitière américaine. Plus d'un milliard de livres attendent d'être consommés. Trouver un acheteur n'est pas si facile pour ce fromage-là, selon Bloomberg. Donc, il y a eu beaucoup trop de lait. Les prix ont plongé vers le bas et l'euro a affaibli, voulant dire que l'Union européenne a été capable de s'attraper des clients en Asie et dans le Moyen-Orient, alors que les ventes des États-Unis ont chuté. Mais c'est pas les seules régions où l'Union européenne a trouvé des clients. L'Amérique a importé deux fois plus de beurre et 17% plus de fromage de l'Union européenne l'an dernier, faisant donc des États-Unis le meilleur acheteur de l'Union européenne. Et étant donné que tout le monde prend le fromage de l'Europe, la moitié du fromage des États-Unis est rempli de ses propres produits. C'est ce que ça veut dire. Donc les gens n'achètent pas de produits américains, achètent des produits européens, ce qui fait qu'ils en ont en trop. Parce qu'ils pensaient en vendre plus. 1,2 milliard de livres de fromage. On ne sait pas encore comment on va s'en débarrasser, mais Bloomberg prédit que le fromage va devenir un nouvel ingrédient qu'on va essayer de mettre partout. Donc, on va essayer de peut-être l'intégrer dans des grilled cheese, etc. Donc, on va forcer les gens à acheter plus de fromage pour se débarrasser des stocks. C'est ce que ça veut dire. On va terminer bientôt avec... des Kit Kats en saveur de melon et de fromage. Tiens, on garde le sujet du fromage. Ça s'en vient des Kit Kats au fromage, Tania. Ouais. Donc, mélanger cantaloupe et fromage, c'est pas quelque chose de nouveau. En fait, apparemment, c'est une très bonne collation. Fromage Philadelphia, mettons, ou... Ça dit pas, en fait, ça dit pas. Ça a l'air d'être un peu crémeux, hein, sur l'emballage, par exemple. On dirait, je trouve aussi. OK. Donc, on mélange du sucré et du salé d'une nouvelle façon. C'est quoi aussi que j'ai vu récemment qui était mélangé ensemble que je pouvais pas croire? C'est... je pense que notre auditrice en ce moment fait un mélange bizarre récemment. Si elle s'en rappelle et peut me le texter, ça me ferait bien plaisir. Donc, apparemment que c'est un mélange assez connu, cantaloupe et fromage. Et maintenant, ça va être une saveur de Kit Kat. Voilà. Okay. Donc, la compagnie qui aime toujours amener de nouvelles saveurs. On a maintenant le Hokkaido Melon avec fromage mascarpone. Tiens, c'est du mascarpone vendu dans les aéroports au Japon. Nouveau biscuit bonbon aventurier est fait de melon Hokkaido et de fromage mascarpone, de fromage mascarpone dans sa gaufrette. L'extérieur est couvert d'une tranche épaisse de chocolat blanc. Et puis ça dit qu'on va vendre la barre seulement dans certains aéroports japonais en format minuscule, parce que ça veut pas dire que les gens vont vouloir une plus grosse barre que ça. D'autres options dans les aéroports sont des saveurs plus mondaines telles que fraises japonaises, uji matcha et sakura matcha. Donc voilà pour notre chronique une grosse pointe d'adresse. On va terminer là-dessus parce que Colin, je vois le temps qui file, puis on va dépasser notre case horaire si on continue trop longtemps. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Et nous, c'est la fin d'Assemblage Requis. Oh yeah! Un bon petit 3 heures qui a passé très, très rapidement. Oui, très rapide aujourd'hui. On a écouté de la bonne musique. On a parlé de sujets intéressants. Merci à Tania Bonin. Ben, merci à toi, Mathieu Plante. Merci au public à la maison. Merci à notre téléspectateur et nos téléspectateurs fidèles qui nous rejoignent chaque semaine sur notre web diffusion. Exactement. Caméra 3. Caméra 3. Snip, snap! Et voilà. Et les gens qui l'écoutent à la radio, les losers qui n'ont qu'un seul sens à la fois et que c'est plate pour vous autres. Oh, je voudrais c'est pas triste. Le dire. Non. Faudrait vraiment que vous soyez en studio. Ah ouais, ça serait malade. Beaucoup mieux. Faudrait qu'on se fasse une vitrine, tu sais, comme au hockey. Il y en avait une avant. Qu'on se fasse une vitrine puis qu'on puisse inviter les gens en studio. Tellement. Avec une vitre par balle pour empêcher de se faire tirer pour les mauvais gags. Exactement. On peut que Louis-José Houd se pointe parce qu'il est fâché après nous. Oh boy, quand il y a un pitbull. Mais un pitbull. Un pitbull. Un pitbull. Quand le pirate. Ou Cœur de pirate ou encore celle que tu détestes, là. Hein? Martina Orsini. Marina Orsini. Je la déteste pas. Martina Orsini. Je ne connais pas de Martina Orsini. Eh oui, c'est sa soche. It's a sister from another mother. Et voilà. Sister from another mother. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct, les mardis, entre 14h et 17h. Après nous, ce sera à 20h. La sortie de secours est à votre gauche parce qu'il n'y a pas de baseball aujourd'hui. No baseball. Pas de bisbille pour vous dans mon salon. On se retrouve aussi les samedis entre midi et 15h. Après nous, ben, c'est le punk, le ska, le oi et le koi et le onk. Ouais, et le inka. De l'émission Sky Panka, ça commence à 15h. Et finalement, les dimanches, on joue entre 10h et 13h après nous. Ce sera, en fait, le baseball. Le baseball, oui, tout à fait. Le baseball, c'est le Japon qui va être en ville. Oh my God, les Japonais. Arigato. Débarquent dans nos... Nos contrées trifluviennes. Cherche un mot pour la pub, lève-la. Maintenant que ta pub est déjà écrite et en onde. C'est sûr que ma pub, la prochaine fois, c'est ça que je veux dire. Bref. Je disais donc, mardi, 14h, samedi, midi, dimanche, 10h, cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Je vous retrouve aussi au Mathieu Plante Show les mercredis à 15h. Et toi, tu nous retrouves en piste avec Tania Baudin. 2h. Mercredi, 14h. Dis les enfants. Exactement, mercredi, 14h. Je suis désolée. Thomas, 2h. En train de se faire que sa vapoteuse de poivre, de piment chili. Et voilà. Ou encore le dimanche à 16h. C'est vrai. Mais peut-être après le baseball. Je sais pas si le baseball est en onde à cette heure-là. Et oui, après le baseball. Si le baseball est fini, ça commence à l'heure. Si le baseball continue après 16h, ça commence juste après le baseball. Mais on sait au moins que ton émission joue au complet, contrairement à Rock de Neuron qui joue à moitié. Et voilà. Mais ça, c'est une décision qui a été prise par quelqu'un d'autre que moi. Cif.ca, assemblagerequis.com. Bonne journée, Tania. Bonne journée, guys. Bonne journée, les requins. Bye bye. Bye. We'll be right back.